Kim. Igu. Elle est monstrueuse celle-là. Le but de cette finale. C'est fini. C'est fini, Loulou Nicolas. Montpellier, René Girard, il se brûle. Imagina, premier mot, premier mot. Ils sont champions de France. Bagarre. Où la bataille était le match. La bataille le match, mon voilà. On est les champions, putain! On est les champions! Bonsoir à tous et bienvenue sur Sport & Chill. On est le lundi 11 juin et c'est l'émission 34 de cette saison 3 de Sport & Chill. Ce soir, nous allons parler de NBA. Ça sera peut-être la dernière fois qu'on parlera même de NBA puisque c'est mathématiquement terminé. Ouais. On parlera de Roland Garros évidemment puisqu'il y a eu les finales hommes et femmes ce week-end. Le cyclisme, le Dauphiné libéré, hein, une étape importante du calendrier au cyclisme. Le rugby, le 15 de France qui se fait une petite tournée, une petite volée même en Nouvelle-Zélande. Oui. Au niveau du sport montpellierain, ça sera en deuxième partie d'émission, mais je vous dis quand même ce qu'il va y avoir ce soir, c'est le MHB notamment. On va parler aussi de volée un tout petit peu et puis surtout des nouveaux stades qu'il va y avoir à Montpellier. On en parlera en deuxième partie d'émission, mais avant cela on va parler de Coupe du Monde pendant 40 minutes, donc je pense qu'on aura largement de quoi dire, surtout qu'on n'est que 5 ce soir. Je pense que ça le mérite et qu'habituellement on parle pas mal, alors t'as bien fait. Ouais, c'est plus justement, c'est bien calibré. Le quiz sera thématique puisque ça sera un quiz spécial équipe de France dans la Coupe du Monde, et non pas peut-être la Coupe du Monde seulement 2018, mais dans l'histoire de la Coupe du Monde, donc ça peut remonter à très loin. Ce soir donc on a deux Guillaume à la table. Deux mythiques. Un Guillaume à gauche, un Guillaume à droite. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Je sais pas si ça a une connotation politique, mais oui. Bonsoir à tous. Et on a Romain qui est avec nous aussi ce soir. Salut Romain. Et bonsoir à tous, ravi d'être avec vous. Et un petit revenant entre guillemets, il était pas là la semaine dernière. Alors, et on l'a un peu ostracisé. Salut Paul. Est-ce qu'on peut dire revenant? J'étais mis au placard, j'étais banni de cette équipe. Donc, ouais. Un peu comme Piquet, mais je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Celle-là elle est dure. Ça démarre fort je vois. Okay, allez, bon. On s'entend ici, on va tout de suite commencer avec les résultats de la semaine. Sport & Chill. Les résultats. Et on va commencer avec, pourquoi pas de la NBA par exemple, Guillaume. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant C'est une bonne question. En tout cas, il y a quelque chose d'intéressant et pas trop de suspense, vu qu'on était resté aux deux premiers matchs, deux premières victoires de Golden State, je crois, lundi dernier. On a justement déjà parlé de ce premier match qui avait été très important, où ça s'était joué dans les dernières minutes et l'erreur de J.R. Smith avait coûté la victoire à Cleveland. Et du coup, effectivement, comme on peut le craindre, ça a été un petit peu le tournant, puisque Cleveland n'a pas su revenir dans cette série de finale et qui a même été terrassé, on peut le dire, 4 victoires à 0 par Golden State. Donc voilà, le parcours parfait en finale de Golden State. C'était pas prévu. Prévu, oui, la victoire en finale, oui, mais après aussi largement, je pense pas, parce qu'il y a eu des victoires assez larges de plus de 15 points. Quasiment pas eu de suspense à part sur le premier match, donc on pensait pas voir quand même non plus Golden State aussi large. J'aurais quand même vu au moins une victoire à la maison de Cleveland, alors que là ils ont été balayés les deux fois aussi à la maison chez eux, donc c'est quand même sévère. Je sais pas depuis quand ça remonte à une victoire aussi large, 4-0 en finale de playoff. C'est déjà contre Cleveland d'ailleurs, je sais pas si c'est pas les Spurs ou... En tout cas ça date à... ça fait un petit moment que ça a pas eu lieu. Parce qu'il y a toujours au moins 4-1 ou 4-2 quoi, tu vois. Du coup, là 4-0 c'est quand même rare. En tant qu'amateur de basket, je suppose que c'est terminé, ils font pas d'autres matchs en plus. Là c'est fini, voilà. Tant que c'est mathématiquement terminé... Là c'est au premier, quand t'as 4-0 c'est cul là. Même en playoff avant. Au meilleur des 7 matchs, donc il pourrait y avoir 4-3 au final, mais bon, ça changerait pas l'issue finale. Puis ils se sont déjà tapé 100 matchs dans l'année. Ils ont rassé, c'est bon, je pense. Mais effectivement, bonne précision pour ceux qui connaissent pas que tu évoques Flo, c'est que contrairement à la Coupe Davis, par exemple, au tennis, dont on parlera plus tard, où on joue tous les matchs. Si je me trompe pas, s'il y a 4-0 des fois on s'arrête, mais il est arrivé en tout cas qu'il y ait des matchs joués après que ce soit mathématiquement terminé comme tu le dis toi-même. À l'inverse, en NBA, ce qui est tout à fait compréhensible effectivement, ne serait-ce qu'au vu du volume de matchs, en playoff c'était de même qu'il y ait eu 4-0, 4-1, 4-2, il n'y a pas obligatoirement 7 matchs Et donc voilà, là le petit regret peut-être, 4, ouais. Surtout avec cette opposition un peu légendaire, j'ai envie de dire, entre LeBron James presque tout seul face à ce collectif des Warriors, c'est de pas avoir eu ne serait-ce qu'un match 5 ou un match 6. On s'attendait pas forcément à avoir 7 matchs et que ce soit aussi accroché, mais voilà, petite déception de ce côté-là sur le fait que ce soit aussi large, même si on a eu des belles exhibitions, je trouve, au premier match avec LeBron James, au second avec Steph Curry, au troisième avec Kevin Durant. Non, mais surtout, moi en tant que débutant, j'ai vu parfois quelques bouts de match. J'ai l'impression que jamais Cleveland a inquiété les Golden State. Jamais on l'a dit à un moment donné. C'est bon, ils vont réussir à prendre le dessus et à gagner, quoi. Après, collectivement, Golden State, on sait que c'est déjà bien supérieur, même individuellement aussi. À part LeBron à Cleveland cette année, on savait que ça serait très juste et ça a été souligné sur ces finales parce que là, c'était la plus grosse opposition de l'année. Et là, on a vu qu'il y avait un gros écart et que LeBron était vraiment esselé dans son équipe, quoi. On regarde les stats des joueurs à côté de lui, c'est ridicule, quoi. Il y a vraiment un écart énorme. Et est-ce forcément, il ne pouvait pas mettre tout ça sur ses épaules sur une finale contre Golden State. Là, ça pourrait pas passer. Est-ce que ça pourrait faire partir Des absences, c'est le grand jeu actuellement en cette fin de NBA. On continue à parler NBA pour parler transfert et l'éventuel départ de LeBron. Alors chacun y va de ses petites envies, ses petites franchises. Il y en a qui aimeraient voir LeBron à Philadelphie, d'autres à Boston. Il y a même une folle théorie qui dirait que il pourrait peut-être rejoindre Golden State pour à tout prix avoir une autre bague. Donc ça, c'est après, c'est tout des pistes de fans, de spécialistes qui en parlent, mais pour l'instant rien n'est sûr. Mais c'est sûr que s'il veut revenir au plus haut niveau et en tout cas espérer remporter une nouvelle finale, une nouvelle bague NBA, il faudra changer de club, enfin de franchise du coup, parce que Cleveland est une franchise qu'on va dire en fin de cycle. Et il y a plein d'équipes comme Philadelphie ou Boston qui sont sur une phase ascendante. Et s'il veut retrouver les sommets de la NBA, il faudra partir forcément l'an prochain parce que ça ne devrait pas suffire. Et est-ce que toi, le spécialiste, est-ce que tu penses que Golden State est parti pour régner sur la NBA comme Boston dans les années 60-70? C'est impressionnant quand même. C'est possible, parce que là, vraiment, celle-là, elle va quand même marquer les esprits parce que l'an dernier, ils gagnent un peu plus juste. L'année d'avant, c'était Cleveland, donc on se dit, ça, c'est la belle, on va voir, ça va être intéressant. Et oui, ça a tourné quand même assez largement à Golden State. Et pour l'instant, il y a pas mal d'équipes qui montent tranquillement, qui ont des jeunes, qui sont dynamiques, comme Philadelphie, on en a parlé, qui a un très bon collectif, de très bons jeunes, et même quelques cadres qui risquent d'arriver en plus, donc ça peut être pas mal. Boston aussi, qui est de mieux en mieux chaque année. Houston aussi, qui a fait une superbe saison et qui perd 4-3 en demi, ils ont quand même réussi à accrocher Golden State quasiment jusqu'au bout, donc c'est quand même convaincant. Mais on sent quand même qu'il y a encore un petit écart à franchir, et l'expérience de Golden State et le collectif qui s'améliore de plus en plus chaque année. On sent que pour l'instant, il n'y a pas d'équipe qui peuvent les rattraper en finale, en tout cas. T'as pas peur qu'il s'essouffle justement, ce collectif, parce que Stephen Curry, il a quoi, 33 ans? Durant, il est un peu plus jeune. Il y a un turnover qui est quand même pas mal. Honnêtement, s'il n'y a pas une grosse franchise dans celle que je viens de citer qui va continuer à progresser, je pense que Golden State va avoir encore quelques années de succès. En tout cas, sur les 2-3 prochaines années, c'est possible, quoi. Après, voilà, il faudra compter sur les outsiders. Et aussi, si LeBron va dans ces équipes que je viens de citer qui sont en phase ascendante, là, par contre, ça sera beaucoup plus intéressant et Golden State pourra avoir un peu plus de difficultés à remporter une nouvelle bague. Très bien. La NBA, ça reprend quand à peu près dans l'année? Octobre, novembre. Ouais. C'est Thanksgiving. D'accord. C'est ça. Donc on ne parlera plus d'NBA. Je suis désolé, Game avant. T'es tranquille jusqu'à septembre, octobre. Les petites infos transferts. C'est de LeBron qui va émoustiller tous les fans pendant l'été, ouais. On va passer au deuxième sport, un sport qui te plaît encore plus, Guillaume, c'est le cyclisme. et notamment le Dauphiné transition. Libéré qui a eu lieu cette semaine. Cette semaine. Dauphiné. Si, c'est un journal. C'est un journal qui a donné le nom à la course. Bien vu pour la petite anecdote presse. Donc, le travail qu'il y a eu à une époque, petite anecdote libre. Ça. Oui. Ouais, le tour du midi libre. Enfin, c'est pas le tour du midi libre, mais c'était le midi libre. Simplement. Ouais, c'est ouais. Ce sont des épreuves qui connaît. Bon, d'ailleurs, moi, qui l'ai fait. Il faut dire que le cyclisme souvent. Le cyclisme, les gars, a eu souvent des épreuves qui sont nées effectivement depuis des médias qui sont investis autour d'elles et qui ont permis de les faire venir sur le calendrier. Donc, le Dauphiné, pour le situer juste aux auditeurs, c'est la course connue comme étant préparatoire au Tour de France, avec le Tour de Suisse qui a d'ailleurs lieu actuellement. Petit changement quand même cette année de configuration qu'on pourra évoquer sur la question que je vous poserai à propos de Romain Bardet, c'est le décalage plus important cette saison entre ces courses de préparation et le Tour de France, notamment dû à notre grand sujet du jour, hein, à la Coupe du Monde qui a lieu cette année pour éviter qu'il y ait trop de collisions entre ces deux grands événements sportifs. À noter donc, que le jour de la finale, le 15 juillet, c'est le jour des pavés au Tour de France. Ah bon ? Ouais, donc ça va les passionnés de sport, c'est une, ça va décaler incroyable. Aussi également, ils vont partir de plus tôt pour éviter la finale. Effectivement. Et donc concernant cette épreuve du Dauphiné Libéré, qui est une course par étape d'une semaine, assez montagneuse habituellement, et cette année ça s'est confirmé encore. Et voilà, qu'on le veuille ou non, on a eu droit à une démonstration de force du Team Sky qui a dominé cette course du début à la fin. Ça pouvait être relativement prévisible, notamment avec la programmation d'un contre-la-montre par équipe qu'ils ont dominé de main de maître, et avec un collectif qui, moi, m'a paru vraiment au-dessus de leurs concurrents. Et donc c'est le Gallois Geraint Thomas qui a emporté cette course, ce Dauphiné Libéré, connu pour être un grimpeur, hein. Connu pour être un grimpeur. Là, je sens que tu veux polémiquer un petit peu. Geraint Thomas, connu pour être de plus en plus régulier, en tout cas, restons c'est un peu dans le même profil que dans les Dumoulin. Courses par étapes. Après, sur le Tour de France, il a déjà tenu une semaine et demie avant de craquer sur des étapes importantes, d'autant plus qu'il n'en avait pas le leadership. Le voir gagner ce type de course, ça pouvait paraître un petit peu étonnant, mais moi, par exemple, j'avoue que j'en faisais un de mes favoris, voire le favori pour cette semaine, et de mon point de vue, il a confirmé son nouveau statut sur ce type de course, et donc il l'emporte devant Adam Yates, dont on avait vu le frère virevolter avant de s'écrouler complètement sur le dernier Tour d'Italie. Décidément les Britanniques, hein. Un autre Britannique, c'est Britannique si fort en montagne, effectivement, et devant notre Français Romain Bardet, qui termine sur cette troisième marche du podium. Concernant les victoires d'étape, le prologue avait été remporté par Kwiatkowski de l'équipe Sky, les étapes de plaine, j'ai envie de dire, par des petites surprises, j'ai envie de dire, des coureurs un petit peu moins connus, Daryl Impey et Pascal Ackermann. Il y avait moins de sprinters cette année sur cette course. Sprinters en général plutôt sur le Tour de Suisse. Plutôt sur le Tour de Suisse, c'est le cas effectivement, notamment Peter Sagan et Fernando Gaviria qui vont s'exprimer cette semaine. Et côté français, ça c'est ce qui nous intéresse, donc j'ai cité la troisième place de Romain Bardet et la belle victoire d'étape de Julien Alaphilippe qui a emporté cette cinquième étape, et une belle étape au panache, et on voit qu'il commence à se faire un palmarès d'ailleurs. Et qui commence à avoir un beau palmarès, hein, rien qu'à citer sa dernière victoire bien sûr et sa première grande classique sur la Flèche Wallonne, et maintenant une belle victoire d'étape sur le Dauphiné Libéré. C'est de bon augure, je pense, pour le Tour de France pour Julien. Et justement, il y a eu trois autres étapes de montagne ensuite consécutives, remportées par Dan Martin, Peyo Bilbao et Adam Yates pour la dernière, de manière assez cruelle d'ailleurs, en reprenant Dani Navarro à 40 mètres de la ligne. Et Romain Bardet nous a fait plutôt une belle semaine de mon point de vue, surtout qu'il faudrait peut-être pas qu'il soit prêt trop tôt. Et justement, je voulais savoir de votre point de vue, qu'est-ce que vous avez pensé de cette semaine de Romain Bardet et puis aussi de son équipe à G2R. Moi, je suis plutôt rassuré de le voir peiner à suivre les attaques de Geraint Thomas ou de Yates. Alors, je pense qu'il vaut mieux être en galère maintenant qu'être au top de sa forme comme les Geraint Thomas, parce que justement, tu l'as dit, le Tour de France commencera une semaine plus tard. Et il y a encore 3 semaines de préparation. Je ne sais pas s'il va faire le championnat de France, mais il ne s'est pas taillé pour lui, puis c'est sur un jour. Donc je pense que sa condition, il va la parfaire à l'entraînement. Et le fait qu'il ne soit pas au top maintenant, c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Ouais, je pense que par rapport à d'autres sports, parfois ça peut étonner de se satisfaire. Voilà, par exemple pour un coureur de son calibre qui a terminé déjà deuxième d'un Tour de France, de ne pas remporter cette épreuve où le plateau est moins relevé peut-être justement que le Tour de Suisse cette année. Mais voilà, il y a des questions de préparation, et souvent un vainqueur du Dauphiné ne fait pas pour autant un vainqueur du Tour de France. Sauf parfois pour les Sky, encore que on voit Geraint Thomas qui l'emporte, et ce sera Christopher Froome sans doute le leader sur le prochain Tour de France. Sur les 8 dernières éditions, c'est 6 fois les Sky qui l'ont emporté, et à chaque fois ils ont gagné le Tour de France ensuite. Oui, ça c'est effectivement c'est, Wiggins, c'est une stat à noter. Et ensuite Chris Froome. Chris Froome derrière, Geraint Thomas donc sur ce dossier. Je sens qu'il est dégoûté. Je pense pas. Au-delà qu'on puisse apprécier ou pas les coureurs de cette équipe, c'est plutôt sur le scénario de la course, je pense que Paul en parle. Souvent on regrette notamment que sur le Tour de France par rapport aux autres grands tours, on verra ce que ça donne cette année, la course soit trop cadenassée justement par la puissance si forte de cette équipe. On a parlé des Warriors qui dominent la NBA, maintenant le Team Sky domine le cyclisme, ouais, et parfois vrai. Ça peut être agaçant dans un sport où on préfère avoir des attaques et plus de panache et de suspense. Je profite de cette dernière cette conclusion de Romain pour parler de Golden State ainsi que de la Team Sky pour parler de Rafael Nadal et notamment de Roland Garros. Pas de suspense non plus, ouais. C'est ça. Rafael Nadal qui a remporté son 11e Roland Garros, son 17e tournoi du Grand Chelem. C'est beau. Et oui, c'est beau. Il faut respecter, même si on n'est pas un fan de son jeu et de sa mentalité. Terminé, on lance le débat. Voilà. Ouais. Terminé. Et donc Simona Halep aussi également qui en tant que quatrième finale de Grand Chelem, qui remporte son premier donc tournoi du Grand Chelem à Roland Garros sur sa surface préférée de qui plus est. Et je voulais poser une question, vous poser une question. Est-ce que les finales ont résumé le tournoi, c'est-à-dire Nadal? Le boulevard pour lui et il a démontré en finale, mis à part un accro contre Schwartzmann en quart où il a perdu un set. Et Simona Halep, une finale accrochée, un jeu un peu stéréotypé quand même. Stephens, on l'attend peut-être pas en finale. Ouais, mais voilà, des matchs accrochés, des têtes de série qui tombent, Ostapenko tenant du titre qui tombe au premier tour. Beaucoup de 3-7, des petites surprises quand même, Sharapova qui revient, voilà, je voulais votre avis. Concernant le tableau masculin, je pense que c'est un peu un résumé du tournoi en un match, avec beaucoup de pragmatisme, ce qui peut parfois agacer chez Rafael Nadal qui arrive à assommer cette concurrence, et 7 après 7, on se disait peut-être, bon, il a gagné le premier, ça peut être plus accroché dans le second, et on voit ça a été de plus en plus dur, 6-4, 6-3, 6-2, le score est lourd, il a assumé son statut, c'est tout simplement remarquable et impressionnant. 11 victoires à Roland Garros, je ne sais pas si quelqu'un un jour sera capable de rattraper un tel record, je ne pense pas forcément. Il n'y a que trois autres tennismen qui ont réussi à l'emporter dans cette ère Rafa Nadal qui sont pas des moindres en plus, Novak Djokovic, Roger Federer et Stanislas Wawrinka une fois. Et concernant le tableau féminin, j'ai un regard légèrement plus différent. Je me montre plutôt satisfait pour le coup d'une victoire comme celle de Simona Halep, parce que finalement on parlait de cette incertitude sur le tableau féminin, pardon, et on voit que la favorite cette fois-ci a assumé son statut et allé jusqu'au bout, et puis Simona Halep le méritait sans doute plus que tout le monde avait besoin aussi peut-être, pour prendre une autre dimension dans sa carrière, d'un premier titre en Grand Chelem. C'est ce qu'elle a fait. Le match le plus dur pour elle finalement, je pense, a été en quart contre Angélique Kerber. J'ai été impressionné notamment de sa performance en demi-finale contre celle que je faisais comme ma deuxième favorite, peut-être plus de cœur d'ailleurs derrière Simona Halep, Garbiñe Muguruza, qui est l'ancienne vainqueur de Roland Garros, et pour moi, j'en ai parlé d'ailleurs avec Tim qui n'est pas présent ce soir, qui était sans doute la deuxième plus dangereuse dans ce tableau derrière Simona Halep, mais Simona Halep a sans doute fait son meilleur match contre celle-ci en demi-finale, et derrière Sloane Stephens, très beau parcours, mais je pense que l'autre tableau était beaucoup plus ouvert, ce qui nous explique aussi cette demi-finale 100% américaine. Mais au final, oui, je rejoins un petit peu ce que tu viens de dire. Je suis plus optimiste sur le tableau féminin qui m'a agréablement surpris. Il y a eu des joueuses que je ne connaissais peu et qui m'ont bien intéressé. Puis ça m'a fait plaisir aussi pour Halep qui a dominé assez largement le tournoi jusqu'aux phases finales où elle a fait preuve de solidité jusqu'en finale. Et puis elle méritait, comme on le dit, puisqu'elle a fait déjà 3 finales avant d'avoir un fail succès final, justement. Et après, on en parlait avant. Qu'est-ce qu'on a retenu du tableau masculin? Est-ce qu'on a eu des gros matchs comme d'habitude où en 5-7 on s'est régalé, il y a eu vraiment du suspense jusqu'au bout? Mais on n'a pas eu tant que ça. Non. Des gros matchs au niveau, que ce soit en quart ou en demi, il n'y en a pas un qui est trop ressorti. Petit regret peut-être d'ailleurs par exemple sur le match de la New Gen, j'ai envie de dire, entre Zverev ouais, et ouais, qui n'a et pas Team, eu le même final. Team qui a encore une marge d'avance sur Zverev, mais qui a encore une grosse marge de retard sur Nadal. Zverev était blessé. Ouais, était blessé aussi. Il a terminé le match, mais ce qu'il aurait dû terminer pour le spectacle. Mais je pense qu'il est encore au-dessus. Et on voit que Team est encore bien en dessous de Nadal, niveau expérience, niveau préparation d'un match comme ça, et puis aussi qualité pure sur terre battue. Nadal a encore l'a montré cette année. Quand il a un physique qui tient à peu près la route, c'est lui le maître des lieux à Roland. Il n'y a jamais eu de suspense, quoi. Au final, cette finale, premier set était pas trop mal, je trouve. Ça tenait la route, et puis au fur et à mesure, la machine Nadal a commencé à tout déverser sur Team, qui était impuissant. Malheureusement, il faudra attendre des années pour le voir sur terre un peu plus incisif et peut-être bouleverser la hiérarchie. Ouais. Pour en revenir au fil de tout à l'heure, je trouve que c'est assez rare dans le tableau féminin de voir des numéro 1 mondial ou voir une hiérarchie être respectée finalement. Parce que souvent, il y a très souvent des surprises et on remarque souvent qu'après celle qui a remporté le tournoi l'année passée, elle s'est éliminée très tôt parce que justement sur la durée elle est moins régulière. Mais pour revenir au tableau masculin, pour moi le match qui a été le plus attractif, parce que tu disais justement qu'il n'y a pas eu de match en 5-7 ou pas eu vraiment de match marquant. Vraiment un très haut niveau. Il y a un match qui a été monstrueux, où je me suis régalé, c'était Del Potro contre Tchitch, où tu avais les deux mal, plus grands cogneurs. Et je crois que pour moi c'est peut-être un des matchs les plus serrés. Ouais. De ce Schwartzman Djoko, si on en a parlé, c'était pas trop mal. C'est Chiato de Djoko qui était pas trop mal. Mais si tu veux là, Schwartzman le tour d'avant était pas mal contre Anderson. Un bras de fer qui était inattendu. C'est un bras de fer qui était inattendu entre Djokovic et Tchinato. Oui, oui. Là où entre Del Potro et Tchitch, on pouvait justement s'attendre à un bras de fer et puis on l'a eu. Mais sinon, ouais, c'est vrai que celui-là, j'ai Rafa, même si Schwartzman l'a embêté pour un set, ouais. Et que je pense que Rafa peut remercier la pluie d'avoir stoppé la rencontre. Ouais. Ça aurait peut-être se changer le résultat final, mais je pense que ça aurait un peu plus inquiété encore. Bien, ouais. Mais c'est vrai que je te rejoins sur l'idée qu'il n'y a pas eu de match. On a un bilan pessimiste aussi, parce que à côté aussi, le bilan des Français a été cataclysmique aussi. Donc c'est peut-être ça qui joue dans notre pessimisme. Hein ? Et justement, Diamant, pour rebondir sur ce que tu disais, pour une fois qu'il y a une favorite qui gagne le Roland-Garros, ça fait la première fois depuis, je crois, 1986 que les deux têtes de série numéro 1 gagnent le tournoi. À Roland-Garros. Voilà. Ce tournoi féminin a-t-il fait une bonne pub pour le tennis féminin en général ? Et est-ce que le fait que justement voilà les deux têtes de série numéro 1 qui gagnent, c'est une bonne pub pour le tournoi ? Pour Roland Garros en lui-même. Plusieurs fois, on a vu Roger Federer et Serena Williams gagner des tournois en même temps, ou en tout cas des favoris gagner en même temps avec Serena Williams, qui pour moi a marché sur le tennis mondial pendant sa période. Mais c'est Roland Garros dont tu parles ? Oui, Roland Garros. Justement, depuis 1986, c'était pareil. Le truc, il marche que pour le tableau féminin, parce que ça a été rare au final de voir une numéro 1 vraiment confirmée, assumer son statut. Mais la dalle, bon, ça fait 11 fois. Donc bon, la question, c'est savoir si ça fait de la pub niveau pour suspense. Féminin. Moi, personnellement, j'ai trouvé un beau tournoi. Après, c'est vrai que. Parce qu'on a un vidage sur la numéro 1 maintenant. Voilà, le jeu est stéréotypé. Ouais. J'ai vu le match, la demi-finale Madison Keys Sloan Stephens. Ah oui, j'ai bien aimé aussi. C'est comme si on mettait Robin Söderling et Del Potro en face. Ça a été pas trop varié non plus. Robin Söderling. Mais Alep, je trouve qu'elle a un jeu quand même. Voilà, Alep, Muguruza, Alep, ces joueuses-là ont un jeu qui est déjà adapté à la terre. Moi, j'avais un peu mal quand j'ai vu Ostapenko gagner le tournoi l'année dernière. Ouais. Parce que j'aime bien la terre battue quand même. C'est un jeu spécifique. Ouais, les slices, pour le jouer coup, avec c'était un petit peu différent. Ouais. Jouer avec les zones, le service. La preuve, cette année, ça a été. Cette année, voilà. Et passé à la trappe complète, ouais. Voilà. Ouais, une bonne pub, je pense, assurément, pour le tennis féminin. Voir à la fois une numéro 1 assumer son statut, avec cette stat que tu nous donnes, et puis avec, je sais ce qu'il faut retenir et que vous êtes en train de dire, avec le type de jeu qu'ont pu développer certaines joueuses et certains matchs qui ont été tout à fait intéressants, avec des duels de style et avec certaines joueuses qui vraiment développent quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, comme Simona Halep. Donc là-dessus, extrêmement intéressant. À l'inverse, des fois, je pense que pour un public plus extérieur au tennis, quand certains assomment les tournois, ça peut être aussi difficile à se dire « Ah bon, bah, du coup, c'était un peu le scénario prévu qui s'est réalisé. » Mais quand on y regarde de plus près, ça n'a pas été le cas chez les femmes réellement, et on a vécu un très beau tournoi. Puis ça marque aussi une nouvelle ère, quoi. Comme on a vu Williams qui tombe assez tôt, Wozniacki, Sharapova aussi. Donc ça prouve qu'il y a eu vraiment un vrai turnover, quoi. Ça, il y a peut-être une nouvelle ère qui commence à se révéler, même si elles seront encore très solides à battre, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais de les voir tomber, elles, je crois qu'elles tombent toutes à partir des quarts maximum, quoi. Donc ça prouve que voilà, il y a une nouvelle génération qui a un petit peu pris la suite dans la fin du tournoi. Donc ça prouve qu'il y a un léger turnover au tableau féminin. Très bien, tu as une dernière question. Une juste dernière question. Je laisserai qu'une personne s'exprimer, du coup, voilà, parce qu'on est déjà choisi. Vas-y, je t'en prie. Guillaume. Ah, merci. Quel joueur vois-tu remporter Roland-Garros le prochain à part Nadal? Team, Zverev. À part Nadal? Tout le monde va le faire, mais une phrase. Voilà, en une phrase. Je pense qu'il n'y a pas trop de matchs là-dessus. Elle est dure, ça, cette question. Je dirais Dominic Thiem, pour l'instant, qui semble le plus armé sur terre battue. C'est lui qui a battu Rafa deux fois cette année. Deux fois sur un an sur terre battue. Donc légitimement pour l'instant je mets Thiem. Je suis assez d'accord avec Paul, ouais, c'est le joueur si qui progresse le plus, ça soit sur terre et surtout sur Roland, il progresse encore cette année. Donc ouais, avec un peu plus de maturité de travail, peut-être qu'il y a un Nadal inspirant peut-être un peu moins bien, on arriverait à avoir un match un peu plus serré. Je confirme, je pense que voilà, on va pas être originaux, mais Dominic Thiem, parce que voilà, c'est à la fois de la nouvelle génération et quelqu'un qui monte en puissance, c'est pas pour rien cette fois-ci qu'il a grimpé une marche de plus en allant en finale, même si on sait qu'avant il avait eu l'obstacle Nadal plutôt sur sa route. Voilà. À l'inverse d'un Zverev qui monte petit à petit en grand chelem, mais voyez-vous, c'est encore qu'un quart de finale pour celui-ci. Et du bon moi, je mets Zverev. Rendez-vous dans 5 ans. Ah, 5 ans peut-être. 5 ans peut-être. Ah, je pense qu'on va aller à Nadal jusqu'à 37 ans. Voilà. Ah, c'est possible. Pour continuer à en remporter 15. C'est ça. Messieurs, on passe à un autre sport qui fera peut-être moins plaisir avec du rugby. Et la tournée d'été. La tournée d'été, ouais. Donc après, qui commence pour les. Comme chaque année, l'équipe de France part en tournée estivale. Après la fin du championnat. Cette année, c'est la Nouvelle-Zélande. Donc 3 matchs. Et le premier s'est déroulé donc ce week-end, samedi matin à 9h30. Michigan Park. À froid. Et ben, première mi-temps plutôt convaincante des Bleus. Plutôt convaincante, hein, j'ai pas dit parfaite. Faut jouer 40 minutes. Mais convaincante. Et deuxième mi-temps, pas convaincante. Si on peut dire, non, malheureusement, le jour ou la nuit où on met. 44-0, il y a eu. Sur la deuxième mi-temps. Mais my god. Il y a 11-8 à la. 11-8 à la mi-temps. Ah, c'est lourd, 44-0. 52-11 à la finalement. Alors qu'on menait 11-8. Alors qu'on menait 11-8. On était dans le match avec une défense. Se prend des branlées chaque fois qu'on défend le Nouvelle-Zélande, c'est incroyable. Intéressante, et puis un carton jaune qui te fait mal. Des montées qui ne sont plus agressives. Et du coup, les Blacks a laissé du temps à Bowden Barrett pour s'organiser. Et derrière, on a pris la foudre et impossible de revenir derrière. Moi, je pose une question sur ça. Est-ce que les tournois d'été peuvent être évités dans le calendrier? Ça a été évoqué par Mathieu Lartaud. Ouais. Non pas éviter carrément les tournées d'été. Personnellement, je sais pas, Paul va donner son avis, mais je pense que c'est un peu impossible. Mais par contre, d'avoir ce choix quasi systématique, si on le peut, de jouer les Blacks et surtout 3 matchs d'affilée contre les Blacks. Voilà, on n'est pas en confiance avec des joueurs qui sont en fin de saison, alors qu'à l'inverse, c'est clair. À l'hémisphère sud, ils sont dans plutôt la phase ascendante de leur saison. Surtout après, c'est pareil. Deux fois les Blacks en France en tournée d'automne. C'est un peu gênant. Oui, non. Ça c'était la semaine dernière en tournée d'automne. Ça ne reviendra plus ça. Parce que il y avait 4 matchs, 2 fois les Blacks. Merci pour la c'est confiance. C'est sûr. Ouais, dur. Et en plus, ce qui n'est pas pour nous rassurer, il y avait un paquet d'absents chez les Blacks. Les leaders principaux, les Kieran Reid, les Retallick, etc. n'étaient pas là. Mais ils ont l'équipe B. Au-dessus, il n'y a pas d'équipe après, B chez les Blacks. Après, nous, c'est un petit peu là. Ça suffit hein, en même temps. Nous aussi, il y avait des blessés, oui. Oui, c'est sûr, il y avait des blessés. Bientôt, ils vont envoyer les moins de 18, à mon avis, je pense. Mais ça sera serré. Mais pour moi, 3 matchs, c'est déjà trop. En tout cas, si on raisonne en tant que Français. non, je suis lucide dans ce que je dis. Mais je pense que 3 matchs, c'est trop face aux Blacks en plus. Et en plus, quand tu commences par un 52-11. Ouais, c'est vrai, le reste de la tournée, courage. Bon match quoi. Surtout que juste deux mots. Souvent, on considère que le premier match de la tournée est plutôt celui où nous avons le plus de chances de faire quelque chose, pas forcément d'emporter, mais de faire quelque chose. Donc voilà, j'espère que ça va s'améliorer, mais c'est pas un signe encourageant. Et ensuite, quelque chose qui m'a quand même bien marqué, c'est voilà, le talent encore de ces Blacks. Et puis surtout, tu parlais d'absent, mais pourtant, ils avaient un banc encore assez incroyable, avec notamment un arrière, McKenzie, qui est rentré en seconde mi-temps et qui nous a mis la misère, on peut le dire. Ouais. Donc voilà, il y a aussi, malheureusement, pour le moment, je trouve une génération encore suivante chez les All Blacks, ouais, qui a un niveau nettement au-dessus aussi, ouais, de la nôtre. Ouais. Ouais. Après, comme quoi, hein. on espère que ça va s'améliorer un petit peu. On en a pour 10 ans là, de panneaux. C'est cet automne-là, mais c'est contre les Blacks. À mon avis, ouais. On va en prendre d'autres. Ils ont réservoir infini, oui. Mais du coup, pourquoi pas effectivement jouer de temps en temps d'autres équipes, ça serait intéressant. Ouais. Pour varier. Le Japon, Canada, quoi. Pour essayer de prendre moins de points. on va terminer avec les sports en bref, entre guillemets. Ouais. On va mettre la Formule 1 en bref parce qu'on en a parlé déjà pas mal cette année. Et c'est vrai. Là, on va juste faire les résultats. C'est vrai. Une victoire sans trop de surprise de Vettel, qui était le plus rapide déjà en qualif et qui a été tranquille, devant. On peut noter la contre-performance d'Hamilton qui termine 5ème, Bottas 2ème et Verstappen enfin qui réussit à faire un bon grand prix jusqu'au bout 3ème, Ricardo 4ème, donc Hamilton 5ème j'ai dit, et 6ème Raikkonen. Le point français, ils sont tous entre la 9ème et la 12ème place, enfin français et monégasque du coup. Ouais. Et donc à noter surtout que Vettel repasse devant Hamilton au classement général des pilotes d'un point. Donc ça confirme qu'encore une fois, donc c'était peut-être pas Ferrari un GP important, mais un GP quand même important dans le symbolique pour le classement. Ça prouve que voilà, ça confirme le bon début de saison de Ferrari qui est sur pas mal de Grand Prix finalement la meilleure voiture, alors que c'était pas souvent le cas face à Mercedes l'an dernier. Okay, et aussi voilà, la petite pensée à Gilles Villeneuve, c'était tous les pilotes ont rendu hommage, c'était les 40 ans de la victoire de Gilles Villeneuve au Canada, donc voilà, on a rendu un petit hommage à ça. Tous les pilotes ont été unanime sur ça, c'était assez touchant. Côté français, voilà, j'ai pas retenu, je sais que Grosjean est 12ème, Ocon 9ème je crois, 10ème c'est Gasly et 11ème c'est Leclerc, donc ils se suivent okay. 9 à 12 on est fait pour quelqu'un qui a pas c'est ça ouais c'est pas si j'avais un petit doute, mais Ocon, Leclerc, Gasly, Grosjean, ouais c'est ça, c'était pas dernier, tiens c'est bizarre, ouais comme d'un pas, oh mais 12ème au moins terminé le Grand Prix pour une fois. Et noter aussi le gros choc dès le premier tour, Canada est souvent des gros chocs. Arclay, l'Australien qui avait fait pourtant une bonne qualif, s'est fait embarquer par Stroll et a explosé contre l'Australien contre le mur, et c'était souvent violent quand ça castagne au Canada, et là ça a été le cas, du coup ils ont dû arrêter dès le début, safety car dès le premier tour comme souvent au Canada malheureusement. Et voilà, c'était le fait marquant. Après dans le reste du Grand Prix, il n'y a pas eu trop de... Alors, personnellement j'ai eu aucun scrupule à zapper sur le documentaire TF1 à la mi-course. Ah bah t'as bien fait, moi j'ai tenu, j'ai failli m'endormir mais j'ai tenu le choc quand même, et au final voilà, je me suis régalé sur le podium. Sur les 98, bien sûr. On en parlera plus la fois prochaine parce que le prochain GP c'est le Grand Prix de France. En fin de retour. Bon, voilà. On va finir par quelques résultats en bref avec notamment des sports aquatiques. C'est ce que tu m'as dit juste avant l'émission, Romain. Exactement. Avec... Presque que juste. Ah oui, c'est vrai, la boxe, puis après les sports aussi, aquatiques. Bon, Alonso aussi, j'ai eu un problème technique, j'ai pas pu terminer. J'allais faire une transition avec la F1, tu vois. Mais... Avec la F1, ouais, si c'est pas la boxe, ça me va pas alors. Je fais juste la boxe vite fait là. D'accord, fais la boxe et tu feras ta transition. J'ai arrêté, j'y ai pensé comme ça, j'ai peur d'oublier. Sans trop de surprise là aussi, sur les deux combats que j'avais annoncés, Abner Mares, le Mexicain, qui a perdu contre Leo Santa Cruz, qui était largement favori. C'était le rematch qui avait lieu à Las Vegas. Et aussi l'autre combat, c'était Terence Crawford qui a gagné lui plus facilement sur KO technique à la 9ème reprise contre Jeff Horn. Voilà. Très bien. Et puissante transition. Du coup, à la MotoGP, transition logique entre la boxe et la MotoGP. Bah, c'est aussi violent. Pour la GP, juste une petite info transfert avant de faire en bref les résultats aquatiques. Avec Joan Mir, qui est pour les connaisseurs un espoir espagnol de Moto2 qui monte et qui signe pour l'année prochaine chez Suzuki. Et du coup, on va avoir le plaisir de voir en MotoGP. Mir, c'est quand même déjà un pilote qui a signé 10 victoires et 13 podiums lors de la saison dans son sacre en Moto3 l'année précédente. Donc un vrai espoir de la moto, on peut dire, de la MotoGP, je pense, pour les prochaines saisons. Encore tout comme à l'image de Johan Zarco il y a quelques années. Donc je pense que ça peut être intéressant, et effectivement comme tu le dis, par contre encore un espagnol. Est-ce qu'il a réglé la mire? Avec Romain, à mon avis il a réglé la mire. Volant la moto, je cherchais plus à mire sur mire très bien réglé, t'as gagné. Voilà, exactement. Et du coup, oui, que des Espagnols, parce que son coéquipier sera son compatriote Alex Rins, qui est aussi un de même Zarco, le français, ça fait consonance espagnole. C'est vrai, c'est un signe. Voilà, exactement. Concernant donc les autres sports, en bref, un petit résultat surf à nouveau, ça fera 2 semaines d'affilée. Ah, ça change, ça fait toujours plaisir. Et donc nous avions une manche du côté de Uluwatu, à Bali. Manche un petit peu improbable qui est apparue sur le calendrier. Très sympa. Juste pour la petite anecdote, c'était la fin de la manche de Margaret River. Pourtant Margaret River, c'est du côté de l'Australie, qui avait été annulée sur sa fin suite à 2 attaques de requins consécutives. Et donc cette manche qui a eu lieu. En River, c'est plutôt les crocodiles. Il en manque. Oui. Sur la rivière. Ouais, plutôt. C'est mal aussi. Allez, enchaîne. Bon, du coup, je disais, la manche d'Uluwatu qui a la victoire cette fois-ci du Brésilien William Cardoso en finale face à l'Australien Julian Wilson. Celui-ci perdant, mais qui en profite pour récupérer le poste, si je puis dire, de numéro 1 mondial. Et aussi à dire que les deux finalistes, par contre, de la manche de Keramas, et il y avait notamment un Français, Michel Bourrez, et Italo Ferreira, se sont fait éliminé prématurément. À l'inverse, côté français, grosse satisfaction chez les féminines avec la victoire de la Française de la Réunion, Joanne Defey, qui s'est imposée ce samedi à Uluwatu contre la Brésilienne Tatiana Weston-Webb, qui est numéro 3 mondiale. Et du coup, celle-ci remonte à la 5e place mondiale et c'est sa 3e victoire sur le circuit après une victoire en 2015 et en 2016, donc de très bon augure pour la suite. Concernant les sports aquatiques, le second, c'est, je voulais parler un petit peu de voile, tiens, ça nous change. Et la victoire de Pierre Lecoq qui s'impose à Marseille lors des premières medal races de la finale de la Coupe du Monde, et triplé français en plus, sachant que Thomas Goyard a pris l'argent et Louis Giard le bronze, donc super performance. À noter que Lecoq en RS avait réalisé la médaille de bronze lors des derniers Jeux Olympiques, donc c'est assez remarquable de voir ses performances au plus haut niveau. Et puis on avait déjà eu de la voile dans l'émission, donc au moins on les salue. Et enfin, dernier résultat que je voulais donner, on avait notre nageuse de sauvetage sportif la semaine dernière. Il y avait je sais pas si c'est, je peux dire un meeting, elle me précisera un petit peu mieux quelle est cette nouvelle épreuve, le Mare Nostrum, qui démarrait du côté de Canet en Roussillon et qui a vu plusieurs bons petits résultats pour nos Français. Mehdi Metella qui a gagné le 100 mètres papillon à Canet en Roussillon du coup, et puis la niçoise Bonnet qui a confirmé sur 100 mètres avec Charlotte Bonnet avec une 3e place et le 2e chrono de sa carrière en 53 secondes 20. Et enfin des podiums également pour Mehdi Metella et Pierre-Gabriel Bédel de nouveau ce dimanche, donc de belles perfs pour nos Français. On sait que de la même manière il y a une nouvelle génération qui monte dont on a pu nous parler d'ailleurs la semaine dernière, et on espère qu'ils vont confirmer. On pourra le reciter dans l'agenda, mais le Mare Nostrum reprendra mercredi à Barcelone et se terminera à Monaco les 16 et 17 juin. Très bien, je pense que c'est complet au niveau des résultats. Merci. On va pas tarder, on va faire notre première pause musicale. Et c'est moi qui ai pris les commandes des pauses musicales pour cette fois-ci. T'as parce que c'est une émission Coupe du Monde. Et qui dit musique Coupe du Monde dit l'une des meilleures musiques Coupe du Monde, soit Kinnon ou Kinnon, Kinnon, ouais. À savoir le titre Waving Flag. Like a waving flag, so wave your flag. Now wave. champion, take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation all around us. Sing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. Together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a wave. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a wave. De retour sur Sport and Chill, c'était Keenan avec le titre Waving Flag. Tout de suite un jingle spécial, jingle Coupe du Monde. Pendant un mois, ça va être on cool, va l'entendre, ça. C'était le générique télé de la Coupe du Monde, celui que tu vas entendre pendant toute la, oh, dur, toute la Coupe du Monde. Je préférais celui de 2014. Bah, je couperais, moi, oui, tu vois. 2014, ouais, on était au-dessus des étoiles. Avec... Alors, on va commencer par groupe cette Coupe du Monde. On va commencer par le groupe A, le groupe du Maroc, de l'Iran, du Portugal et de l'Espagne. On va faire le même principe sur tous les groupes, à savoir qui, selon vous, seront les deux qualifiés. Bon, là, je suppose qu'il y aura dans l'ordre. Un peu de consensus, je pense. Et pourquoi ? Pour vous, seront-ils qualifiés par rapport aux autres ? Est-ce que tu veux commencer pour ce groupe A, par Allez, je sens bien. Je fais l'Espagne mon potentiel. Ah, c'est potentiel. Le groupe B, ça, c'est le groupe B. Merci, Guillaume. De quoi ? Celui-là, c'est le groupe B. Ouais, bah, on va commencer par le groupe A. Excuse-moi. C'est vrai que le groupe A, c'est le groupe du pays hôte, c'est-à-dire de la Russie. Russie, Arabie Saoudite, Égypte et Uruguay. Ça tente plus d'aller sur celui-là ? Je suis moins chaud. Bah, il est vraiment dans la Coupe du Monde, ce groupe-là. Bah, écoute, la Russie, bah, on est intrigué de la voir parce que bah, les résultats sont pas incroyables. L'équipe non plus. À une époque où je connaissais quelques joueurs, là, je crois que sur 10 j'en ai quelques-uns, mais pas amicaux. Ils ont gagné deux fois. Ouais, voilà, que donc c'est déjà mauvais signe. On va parler de Alexei Mirantchuk du locomotive. Voilà, il y a quelques joueurs qui sortent locaux, mais qui sont pas de très très haut niveau non plus. Donc bon, on est intrigué. Akinfeev est toujours là. Je pense que oui. Dans un noyau du CSKA ou du Zénith, dans les joueurs russes. Après, voilà, on les voit au moins sortir des poules, parce qu'un pays hôte qui sort pas des poules, c'est quand même assez ridicule. Mais après, en plus, il y a un coup à faire. Ça peut arriver, hein. La poule, elle est pas super compliquée. Égypte-Uruguay, quand même, moi je les vois largement. Ah, il y a Égypte-Uruguay Je les vois largement devant l'Arabie Saoudite et la Russie. Oui. Après, bonjour Guillaume, c'est dans 3 jours la Coupe du Monde. Ah là, mais ce groupe, j'avoue qu'il m'interpelle pas. Oui, alors pour le coup, oui, Égypte et Uruguay. Uruguay n'en rend peut-être premier. Ouais. L'Égypte aussi, je vu les aussi performances. Pour l'Égypte, ouais, moi aussi. Voilà, ça se jouera peut-être avec l'Égypte et la Russie. C'est Salah et El Neni, mais. Ouais, il y a quand même Salah qui est largement au-dessus de toute l'équipe de la Russie, quoi. Moi, je confirme pour l'Uruguay qui en plus hausse toujours son niveau de jeu en Coupe du Monde. À l'inverse, ouais, pour l'Égypte, c'est une équipe en phase ascendante. C'est une équipe qui a un des plus beaux talents, sans doute, qu'on aura le plaisir de voir évoluer dans cette Coupe du Monde. En qui joue bien en plus en Coupe du Monde, n'oublie jamais. Oh. Oui. L'un des plus grands. Ouais. Un des plus grands. Un de ceux qui a gagné le plus de Ligue des Champions, mais il y en a un qui a un petit peu d'avance. Enfin bref, je me comprends très bien et tout le monde me comprend. Concernant du coup Mohamed Salah, bien sûr, et puis qui a fait une saison remarquable. À l'inverse, la Russie, à la fois jouera à domicile, a pas eu des résultats incroyables, mais est souvent capable d'accrocher de belles équipes. Et je pense que ça peut être assez ouvert sur la seconde place, notamment entre cette équipe de Russie, surtout méconnue effectivement, ou parfois méconnue en tout cas pour ses talents maintenant de plus en plus locaux et qu'on voit moins évoluer dans les grands clubs, mais qui risque de poser des problèmes à une équipe comme l'Égypte. À l'inverse, je vois vraiment l'Uruguay marcher sur, sur ce groupe et normalement prendre la première place, et on risque au plus dans cette équipe d'Uruguay aussi de redécouvrir des beaux petits talents. Ils nous en sortent toujours. C'est toujours des vraies relations. Est-ce que justement vous avez un joueur à suivre dans ce groupe? Salah, évidemment. Sauf que attention de voir l'état de forme aussi. C'est ça, son état qui nous intéresse. En espérant pour lui et pour son pays qu'il soit en forme et qu'il puisse justement emmener son équipe vers le haut et qu'il puisse permettre la qualification. N'oublions pas qu'on est en Russie. Je crains que la Russie soit. Enfin, je crains. Je pense que la Russie sera ultra motivée sur l'événement. Ah, heureusement, ouais. On est dans le pays de Vladimir Poutine. La Russie pas qualifiée. Ah, ça ferait tâche. Ça ferait tâche. Ouais. Bon, après, bon, il peut assumer après, aussi une équipe. Donc, a priori, ça serait plutôt Uruguay premier pour vous. Et ça joue entre l'Égypte et la Russie. Voilà, peut-être la Russie le vainqueur de Égypte-Russie. Ouais, voilà, mais bon, sachant qu'il y a ça là d'un côté. Et vous allez peut-être pouvoir me le dire. Quelle équipe déjà l'Arabie Saoudite a réussi à accrocher dernièrement? C'était pas l'Allemagne qu'ils ont joué? Si, il y a deux jours, 2-1. Ils ont perdu que 2-1. Ils ont perdu que 2-1. Donc, c'est un match amical. Oui, c'était qu'un match amical. C'est meilleur que l'Arabie Saoudite qu'on a connue en 98. Ouais, peut-être, ouais. Juste que je voulais effectivement préciser, il y avait une équipe d'Arabie Saoudite qui était vraiment pendant une époque un faire-valoir en Coupe du Monde. Là ils sont sans doute capables de nous proposer autre chose, mais ça risque quand même d'être la quatrième équipe de ce groupe. Et juste on parlait de Mohamed Salah, j'en profite juste pour citer un joueur méconnu, je disais uruguayen, Nathan Nandez, qui joue du côté de Boca Juniors, qui est un joueur tout à fait inconnu mais que Tabarès fait jouer maintenant dans son dispositif plus en plus de locaux, terrain, je trouve, et qui reste d'être intéressant dans cette Coupe du Monde. En tout cas il est annoncé vraiment performant en sélection. On passe donc au groupe B, celui que j'ai confondu avec le groupe A, à savoir donc Maroc, Iran, Portugal et Espagne. Donc comme je l'ai dit, il y a un consensus, je pense, sur les deux premières places, Portugal et Espagne. Espagne-Portugal pour vous. Oui. C'est la logique entre une confrontation directe qui tourne mal plutôt pour le Portugal que pour l'Espagne. L'Espagne, je pense qu'ils vont faire 9 points. Mais un petit Maroc-Portugal qui tourne au match nul ou... Ça sera peut-être la qualif qui va se jouer là. La logique, voudrait Espagne et Portugal. Après, ça reste du sport. Et, après, l'Iran, je vois vraiment derrière. Le truc, c'est que le Portugal, j'ai l'impression qu'on les voit jamais bien. Au final, ils s'en sortent toujours pas si mal quand même. J'hésite à le dire, c'est qu'on le voit par exemple sur l'Euro. L'Euro, on leur a craché dessus pendant tout le tournoi. Au final, ils sont allés la chercher. L'Espagne, bon, bien sûr, c'est plus beau, c'est plus complet et ça en est un des gros favoris. Mais Portugal, c'est toujours un outsider compliqué à jouer. Et je les vois encore un petit cran au-dessus du Maroc, même si le Maroc est apparemment dans une bonne forme. Et donc ça sera intéressant à voir ce Portugal-Maroc. Puis les grands joueurs quand même. Comme on dit. Voilà, donc il fait une compétition, il a gagné lui. Je crois quand même l'Espagne et Portugal. Et puis l'Iran en 2014 a fait plutôt une compétition correcte, a essayé d'aller chercher les gros, notamment face à l'Argentine où je crois que c'est Messi qui marque à la dernière minute. Qu'ils ont pu accrocher l'Argentine. Donc pourquoi pas avoir. Moi je serais pas aussi sûr sur l'Espagne que vous. Alors moi je pense qu'ils finiront premier, mais peut-être l'un des seuls pays dans cette Coupe du Monde à aller faire quelque chose avec l'Espagne, ce serait peut-être le Portugal justement. Dans le duel ibérique, je pense que ça, c'est le deuxième match. C'est le premier match vendredi 20h. C'est aussi effectivement le risque. Déjà, c'est le premier gros match et c'est le risque que tu donnes pour cette équipe d'Espagne dans ce duel ibérique. Et souvent, il y a toujours des matchs un peu particuliers en ouverture des poules. Et celui-là peut être plus indécis qu'il n'en paraît. En plus, il y a un prestige sur la péninsule ibérique à le remporter. Et on saura aussi très vite ce que vaut vraiment ce Portugal 2 ans après son Euro, je pense, contre l'Espagne aussi. Voilà, après, un groupe. Je pense, si on résume, dont la hiérarchie paraît assez claire sur le papier, et pourtant qui risque d'être peut-être plus intéressant qu'il n'en paraît. Avec un Maroc qui est pas mal, ouais. Est-ce que vous avez un joueur à suivre dans ce groupe qui va survoler ce groupe pour vous? Moi, j'attends Gonzalo Guedes du côté du Portugal, qui fait des bons matchs de préparation et qui, je pense, peut être un bon soutien pour Cristiano Ronaldo et pour justement permettre au Portugal de bien figurer dans cette compétition. Et moi, j'attends un joueur qui monte Espagnol, étonnant, avec l'équipe d'Espagne, c'est Iago Aspas. Ouais, qui marche très bien avec le Celta. Asensio, moi aussi, j'attends du côté espagnol aussi. Ouais, voir Asensio aussi, du monde, voir franchir s'il franchira le palier. Mmh. Et après une saison un peu éreintante avec le Real, mais où il a aussi été économisé sur pas mal de matchs, il saura être au rendez-vous. Et oui, je voulais citer Iago Aspas parce que, de même que Gonzalo Guedes, il est sans doute moins connu. Il joue au Celta Vigo, il fait une grande saison. Et dans cette attaque espagnole, c'est sans doute le plus petit nom, j'ai envie de dire. Et pourtant, il est redoutablement efficace avec la sélection espagnole, et notamment ces dernières semaines. Avec, c'est lui d'ailleurs qui a libéré l'équipe d'Espagne contre la Tunisie en dernier match. Il y a aussi un petit jeune qui monte en Espagne, qui cale bien le jeu justement de Zibéry. Iniesta, que je pense va bien. Petit jeune qui monte, je ne sais pas si faire vous du bien à l'Espagne, ouais. Il y a personne qui dit Younes Belanda, par exemple. Ouais. Non, le petit. Ouais, j'aimerais bien, par contre, c'est pour le petit côté montpellierain, évidemment. Ouais, voir, à voir, ouais. On va passer pas au groupe C, parce que ça sera le dernier, c'est le groupe de la France. On va passer au groupe D avec l'Argentine, l'Islande, la Croatie, pardon, et le Nigeria. Il est pas mal, celui-là. C'est la poule la plus relevée, à mon avis. Ouais, c'est possible. Alors, je vais peut-être commencer. Moi, je sais que j'ai un avis très tranché sur ça, mais je vois pas l'Argentine passer sur ce coup-là. Ouais, est-ce que c'est votre avis pour la théorie parcours compliqué jusqu'à cette phase finale de Coupe du Monde. Elle est possible. Croatie, Nigeria, pour moi, je mettrais Nigeria qui est toujours là en phase finale. Mais après, attention, mon Flo. Alors l'Argentine, c'est typiquement l'équipe qui peut après monter au niveau. C'est quand où ils font finale contre l'Allemagne. Dernière Coupe du Monde, où ils sont pas emballants, ils arrivent quand même à se hisser en finale parce que voilà, il y a Messi, il y a quand même des attaquants très très fort dans cette équipe. Après, il y a Di Maria qui fait une belle Coupe du Monde aussi. Tu auras peut-être un Dybala, tu auras peut-être un Agüero. Après, ils sont pas équilibrés, je suis d'accord. C'est mieux qu'avant 2018. Hein. Mais moi, une équipe où il y a Messi, je peux pas me dire qu'elle est à prendre à la légère. Je partage ta vision. Évidemment, personne prend l'Argentine à la légère. Oui, mais je veux dire, le Nigeria, pour moi, ça reste un cran en dessous, même s'ils ont fait une bonne qualif. J'ai pas l'impression qu'ils aient autant un esprit d'équipe que peut l'avoir le Nigeria. Ouais, Nigeria, ouais, je suis d'accord. C'est rodé, ils ont pas des gros noms. Je suis d'accord. Mais c'est rodé. Derrière, l'Argentine, tu me leur mets l'Espagne en face. Mais ça se fait bouffer. Je pense que oui, mais le Nigeria aussi. Il y a un petit 6-1. Moi, je vous trouve un peu trop en ballon avec la Croatie aussi. Vous dites que la Croatie pourrait finir première. La Croatie, c'est équilibré. Après, c'est plus complet pour moi. Ouais, la Croatie, peut-être que la Croatie première, je vois plus. C'est un Modric qui, pour moi, n'est pas dans sa compétition, c'est fini. Enfin, t'as un Kovacic et t'as un Rakitic à côté. La Croatie a une bonne cohésion. Pour dire qu'il sera pas dans sa compétition. Ouais. Vu la saison qu'il fait, c'est sûr. Normalement, il est sûr comme à l'Euro. Ouais. Sauf que. Ça arrive souvent aussi que des joueurs soient très bons en club et soient moins bons en équipe nationale. C'est vrai. Moi, c'est limite si je vois plutôt un combat entre j'ai mis Croatie aussi qualifiée. Hein. Deuxième, ouais. Mm. Mais attention au Nigeria qui a bien figuré lors de la dernière Coupe du Monde, qui ne lâchera jamais qui lâchera jamais le morceau et qui peut venir titiller, à mon avis, les deux équipes. Et l'Islande. Quatrième, l'Islande, quand même. Ça a été. Dans la veine avec le Nigeria. Petite pause fraîcheur pendant cette chanson. Ouais, c'est possible aussi. Ça fait très plaisir de les voir parce que c'est une première nation comme le Panama. Mais on les regardera en cohésion. J'ai l'impression que les réalités de l'Euro ne sont pas les réalités d'une Coupe du Monde. C'est une compétition différente, c'est sûr. Je sais pas si. J'espère pas qu'ils se plantent quand même. Moi non plus, mais bon. Ouais, j'espère aussi qu'ils vont être intéressants. Et puis, c'est des équipes normalement qui peuvent arriver à donner un peu d'indécision. Et ce sera pas forcément facile de leur mettre des claques. Par contre, c'est vrai que je suis pas si étonné qu'on n'en parle pas plus que ça là dans la discussion du jour. Parce que les trois autres paraissent à la fois un cran au-dessus techniquement. Et puis, en termes de collectif et d'expérience de Coupe du Monde. Ce groupe est vraiment passionnant et l'Islande d'un coup est capable aussi de nous surprendre. Si on peut parler de l'Islande, on a quand même vu une Islande qui a cravaché quand même pendant 7 euros, même s'ils ont fait des belles performances, mais c'était un jeu résolument pardon, défensif. Le problème, c'est que ça fonctionne face à des équipes européennes qui sont plutôt défensives également, mais face à des équipes sud-américaines, bon là l'Argentine, face à des équipes qui jouent comme la Croatie ou voire le Nigeria quand même, qui sont quand même assez offensifs, j'ai peur pour eux quand même. Ça peut être compliqué. J'ai envie de voir ça. Ouais, ce groupe il est vraiment intéressant pour le coup. On peut passer au groupe E avec un groupe qui va satisfaire Guillaume, notamment avec la Serbie, le Costa Rica, le Brésil et la Suisse. Est-ce que vous voyez peut-être la Serbie justement faire quelque chose et aller chercher les Suisses? Les Suisses, c'est un peu le Nigeria européen. C'est les Suisses sont jamais flamboyants, mais ils sont toujours en huitième de finale. Voilà. Et mieux classés que nous au classement FIFA. Ça c'est une ligne, ça reste une autre histoire. Donc peut-être Guillaume, est-ce que tu vois la Serbie comment tu les sens? Alors la Serbie, j'ai suivi un peu les matchs je m'en vais de la bouche. Ivanovic. Ouais, j'ai vu les matchs de préparation, c'est plutôt décevant. Moi je suis plutôt déçu, je m'attendais à un peu mieux. Mon joueur à suivre c'est Milinkovic. Ah, j'arrive pas. Milinkovic Savic. Ouais, voilà, le joueur de la Lazio. Qui lui par rapport aux autres a tenu la baraque. Défenseur, non? Milieu de terrain. Plutôt défensif. Ouais, ok, ouais, c'est bon, je vois. Ouais, qui risque de signer dans un grand club, c'est ça. Ouais, je l'ai. Il peut jouer partout, 6, 8, 10. Je vois. Il a un talent phénoménal. Mitrovic, peut-être aussi, qui a claqué son triplé. Voilà, Mitrovic qui a mis un triplé. Ça repose sur 2-3 joueurs, donc celui-là, Mitrovic. Le Hamšík, non, il est slovaque. Ah oui, je comprends, excusez-moi. Pas tout à fait à côté. Après, voilà, j'ai l'espoir qu'ils en mettent. Pour moi, c'est homogène avec la Suisse. Mm-hmm. Pareil que pour le groupe A, le vainqueur de Suisse. Je pense qu'on est d'accord que Brésil restera premier. Et le vainqueur de Suisse, avec la Serbie, sera deuxième. Avec 9 points, peut-être, le Brésil. Oui. Ouais, normalement, oui, je pense. Ça m'étonnerait pas qu'à chaque fois, chacun des leaders peut-être accrocher un partout. Et du coup, n'est pas. Mais bon, là, le Brésil, je les sens quand même bien. C'est très complet cette année. Petite question pour vous, peut-être un peu provocatrice, mais du coup, vous. On va peut-être faire ça sur tous les groupes de toute manière, mais vous enterrez d'office le Costa Rica dans cette compétition. Et c'est vrai que ça a été une belle surprise. J'ai facile à jouer. C'est une équipe pas facile à jouer. Je pensais au Panama, oui, Costa Rica. Ouais, il y aura match pour la deuxième place. C'est une équipe qui marquera sans doute pas énormément de buts, on est d'accord, mais qui a un très grand gardien. Donc ce ne sera pas forcément une équipe facile à prendre. Alors, bien sûr, personnellement, je ne les vois pas prendre une deuxième place dans ce groupe. Par contre, je les vois. Sait-on jamais, encore qu'il l'avait fait dans un groupe difficile déjà avec l'Italie et l'Angleterre en prenant la première place, si je me rappelle bien. Ouais, l'Uruguay. Et puis surtout, l'Uruguay, Costa Rica. C'est ça, exactement. Et puis, deuxième remarque, c'est surtout que je vois cette équipe pouvoir embêter les autres de la poule et donc peut-être plutôt bouleverser la hiérarchie de la poule suivant les résultats qui seront capables de réaliser. Est-ce que c'est ton joueur à suivre, par exemple, Keylor Navas? Ouais, sur cette poule, moi, ce serait peut-être Keylor Navas. Avec Milinkovic-Savic et peut-être d'autres pour vous, non? Comment tu le dis trop bien, j'arrive pas à prononcer. Ouais, c'est parce qu'il faut le dire vite, sans penser. Il a l'habitude avec le hand à Montpellier. Ouais, voilà, Trujanovic, Savic. Bon, érodé. Du coup, si vous n'avez pas d'autres noms, on va passer au groupe F. Neymar, peut-être, on ne sait pas s'il sera bon. Le groupe F est un groupe assez homogène également avec la Corée du Sud, la Suède, le Mexique qui a fait des grandes affaires dernièrement et l'Allemagne qui postule en tant que favori dans ce groupe. Est-ce que cette deuxième place est actée pour le... Parce que moi je pense que l'Allemagne, je suppose que finira est-ce que c'est acté pour le Mexique qui a tout de même un peu plus de cohésion et de talent que les autres? Je pense que oui, le Mexique est toujours une équipe assez intéressante déjà dans le jeu. Est-ce qu'il va avoir une orgie de buts? Puis assez régulière, belle. Elle était facile. En espérant qu'il sera aussi performant que sur cette soirée. Facile, mais à faire, il fallait le faire. Ouais, je pense que. Ouais, en plus, ce genre de soirée, ça rapproche toujours un groupe. Donc je pense que leur cohésion sera encore plus solidaire. Non, niveau qualité, je pense qu'ils sont encore au-dessus. Ils seront deuxième, je pense. J'explique un peu la blague parce qu'il y a eu, il y a quelques jours, dans les médias, dans tous les médias, on a su que l'équipe du Mexique qui avait fait une orgie sexuelle dans leur hôtel avant de partir à la Coupe du Monde. Ils étaient à peu près 10 Mexicains pour 30 femmes. C'est un bon ratio, ça déjà. Qui est un ratio de 1 sur 3. Ratio habituel quand je d'accord avec mes 30 à 10 au rugby, c'est lourd. D'où toi, c'est... Non, toi, c'est 30 d'où l'origine de but que je vais parler. Donc, est-ce que, on va peut-être passer rapidement sur ce groupe, est-ce que vous avez un joueur qui pourrait sortir du lot sur ce groupe du côté moi, peut-être allemand, par Timo exemple Werner. Timo Werner, ouais, aussi, j'ai une grosse idée. Parce que ça va être lui qui va être qui va incarner l'attaque de l'Allemagne, qui le reste de l'équipe est très complet, mais... Est-ce que vous n'avez pas un petit Forsberg en Suède qui peut... Aussi, ouais, intéressant. Zlatan aussi. Non, Forsberg, bien vu. Forsberg qui normalement doit porter cette équipe de Suède techniquement. Si je me trompe. Forsberg. Forsberg, c'est Leipzig, non? Leipzig, ouais. Oui, il me semble. Voilà, si je me trompe. Mais tiens, mais ce sera très Leipzig, du coup, ce groupe avec Timo Werner aussi. Pour nos joueurs de la compétition. Juste, effectivement, juste ma petite remarque. Moi, à l'inverse, justement, je vois pas forcément le Mexique aussi facile dans cette compétition. C'est une équipe que j'apprécie, donc j'espère qu'ils iront assez loin. Mais j'entends même les observateurs depuis le Mexique être très très prudents et pas très optimistes par rapport au-delà même des affaires, le véritable niveau de cette équipe du Mexique pour cette Coupe du Monde par rapport à d'autres années. Voilà. Après, il faudra voir s'ils arrivent à être portés par cet équilibre qu'ils ont souvent d'ailleurs entre expérience et des joueurs qu'on connaît moins mais qui peuvent être redoutablement efficaces dans ce type de compétition. Rafael Marquez, toujours là, 39 ans. Ah oui, C'est peut-être aussi un signe qu'ils n'arrivent pas à renouveler si Marquez est encore là. Je pensais à lui, effectivement. Le groupe G, c'est le groupe de la Belgique, du Panama, l'autre petit nouveau de cette Coupe du Monde, la Tunisie ainsi que l'Angleterre. Est-ce que vous voyez un duel européen pour ces deux premières places? Non. Pas forcément. Mais pas du tout. Enfin, pour moi, j'imagine la Tunisie embêtée. Ouais. Je pense que ça va être le même groupe que le. Qui a fait tomber son micro. Je pense que ça va être le même groupe que Angleterre, Italie. Uruguay et Costa Rica en 2014. Mm-hmm. Je pense que les deux autres équipes qu'on n'attend pas du tout, alors peut-être pas le Panama, mais la Tunisie peut faire un ou deux. Moi j'y crois. Tu as fait un match amical intéressant. Un, tu dis ouais. Peut-être. La Belgique ça fait rêver personne. L'Angleterre, l'Angleterre on dit oui, ils ont une super génération. Ils ont une super génération. La Belgique, mais ça fait un moment qu'ils n'ont pas confirmé. Ils régressent les mecs presque. Après, Guillaume, je suis d'accord avec toi sur ça. Mais il y a quand même un niveau de qualité quand même qui est quand même un cran dessus vraiment la Tunisie, même s'il y a plus de cohésion tout ça. En 2016, l'Angleterre se fait battre par là aussi en phase de poule. Ouais, il passe quand même, non, après. Il passe. Ouais. Et pour se faire taper par l'Islande après. Mais je les vois quand même passer, tu vois, parce que la Belgique, certes aussi, c'est un éternel outsider qui passe jamais le cap. Mais là, il y a Tunisie, ouais, c'est la meilleure équipe d'Afrique. Ça va arriver, mais ça peut. Ouais. Vous savez que. Il y a une petite surprise, mais. Et si ça peut nous enlever un adversaire pour nous. Ouais, c'est pas plus mal aussi, ouais. On comprend. Vous savez que mon dada, c'est un peu l'Angleterre. Est-ce que c'est pas une année plus correcte pour l'Angleterre, sachant que tous les leaders tous les leaders de l'Angleterre sont partis. À chaque fois, on disait l'Angleterre est favori parce qu'ils ont une équipe formidable. Ouais, mais et au final, on les attend pas du tout là cette année. Ils n'ont pas une équipe flamboyante par rapport à ce qu'on a connu précédemment. Il y a eu mieux. Ouais. Est-ce que c'est peut-être pas une année. Ah, pour nous surprendre, ça, c'est sûr. Plus surprenante pour l'Angleterre. Ils ont peut-être moins de pression de la part des médias. Parce, qu'on aussi parce que, quand même, celui qui doit porter l'Angleterre techniquement, ça doit être Harry Kane, qui n'est pas le plus expérimenté qu'on ait connu dernièrement. Ça commence. Non, c'est sûr. Au niveau international, c'est clair que non. Et du coup, je suis assez curieux de ce que nous dit Guillaume, qui est tout à fait possible comme scénario, mais moi, à l'inverse, c'est vrai que, alors peut-être facilité de voir les noms de ces équipes, mais je voyais, alors entre les deux premières places, que ça pouvait se jouer vraiment, mais je vois vraiment pourtant la Belgique et l'Angleterre pas forcément aller loin derrière dans la compétition, mais se qualifier pas assez facilement, mais en tout cas se qualifier de manière assez claire en nombre de points dans ce groupe. Et je pense aussi que cette équipe d'Angleterre, alors elle peut, ce sera sans doute tout ou rien, mais peut nous surprendre dans une année comme dit Flo, où pour une fois justement on les attend pas du tout, et où pourtant ils ont quand même quelques petits talents là qui peuvent faire mal. Est-ce qu'il peut avoir un joueur à suivre dans l'équipe d'Angleterre? Je peux penser à peut-être Dele Alli, Rashford, par exemple. Rashford peut-être, qui a fait une plutôt bonne saison, je crois, avec Manchester. Enfin, qui a fait une saison bonne entrée, pour un jeune. Pour être le meilleur de jeu. Un défensif peut-être. Dele Alli surtout. En tant que supporter de Liverpool, peut-être Alexander Arnold qui pourrait jouer sur le côté. En équipe type. S'il jouera en équipe. Voilà, je sais pas s'il va jouer tous les matchs. Il jouera certainement un match dans les phases de poule, même si ça tourne bien, il pourra peut-être jouer le troisième. C'est Walker, non, c'est Walker. Walker qui est pas. Ouais, pas non plus. Ça, c'est mon avis personnel. Surtout le gardien, je crois, gardien, c'est Walker Butland à droite et c'est Rose à gauche, non? Ouais, c'est Pickford d'Everton, non, je pense. Le gardien aussi. Qui devrait être Butland. Ça, par contre, ça va être compliqué Butland pour Pickford. Ouais, ouais. Je sais que la hiérarchie même entre les trois était pas très établie. Il y a pas un qui sort du lot. Comme souvent, Alexander Arnold, j'ai envie de le voir, ouais. Je le vois évoluer avec Liverpool toute la saison. Je pense que l'année prochaine, Klein aura beaucoup de mal à reprendre sa place parce qu'il a vraiment explosé, il a 19 ans. J'ai envie de le voir. J'espère qu'il va jouer. Donc voilà, on va passer à notre dernier groupe qui est le groupe H, peut-être le groupe le plus homogène de cette Coupe du Monde. La Colombie, le Japon, la Pologne, et le Sénégal. Est-ce que c'est l'équipe africaine la plus peut-être la plus chanceuse ou celle qui a le plus de chances d'aller en 8ème de finale, pour à savoir le Sénégal? Oui. Pas forcément la meilleure, mais par contre elle a le plus de chance parce qu'elle a un groupe un peu plus, on va dire, tranquille. On parlait d'un joueur de Liverpool, est-ce que le joueur à suivre, ça sera pas Sadio Mané? Ben là oui, on attend en tournant, vu qui cette superbe saison. Un peu moins porter l'équipe que ça là, parce qu'il y a d'autres talents. Elle est plus équilibrée, ouais, voilà, ça va être vraiment la star de cette équipe et c'est sur lui que le Sénégal va compter. Après, perso, moi, dans ce groupe-là... Je vois que des matchs nuls et 3 points pour tout le monde. Et ah, je vois quand même la Colombie un petit peu au-dessus, moi, même que la Pologne. La Pologne qui moi, je serais d'avis de dire que la Pologne serait, ferait pas une belle Coupe du Monde parce que déjà, on leur enlève Glick qui est un taulier de la défense. Apparemment, il va être là, même blessé, Glick. C'est un warrior. Alors, je suis un peu dur avec Lewandowski, mais je trouve qu'il a fait une saison très mitigée. Et que la Pologne a besoin d'un grand attaquant, et on l'a vu déjà à l'Euro 2016 où il était très absent et plus, ça n'a pas fait grand chose à la Pologne. Et en plus, il n'arrive pas dans les meilleures conditions parce que lui, il n'arrête pas de dire qu'il veut partir du Bayern, mais ouais, pour l'instant, personne s'est manifesté a priori. Donc, il ne sera pas dans les meilleures dispositions pour commencer ce tournoi. Donc, Est-ce que vous avez un joueur qui pourrait se détacher selon vous? Qui pourrait porter Colombie, son équipe au 8ème de finale? J'ai hâte de voir un James. Ouais, il a fait une plutôt bonne saison avec le Bayern. Et voilà, j'aime bien voir cette équipe de Colombie jouer qui m'a fait bonne impression. Si, il sera aussi. Non, je l'ai vu en match amical contre la France, ils me font toujours bonne impression. Et pour moi, toujours un outsider à suivre, la Colombie. Donc, ouais, je les vois passer avec une première place, peut-être pas tranquillement, mais voilà, je les vois en favori, ouais, c'est sûr, de cette poule. Ouais, je pense que c'est la Colombie qui risque d'avoir le plus de beaux talents sur la feuille de match à aligner et qu'on risque de voir évoluer, notamment James Rodriguez, hein, qui avait brillé en Coupe du Monde et qui a les moyens de le faire à nouveau et dont j'ai été assez satisfait, même si je l'aurais bien gardé justement de sa saison au Bayern Munich. Et ensuite, Sadio Mané, on se répète un peu du coup pour le Sénégal. Et je vois vraiment effectivement cette équipe du Sénégal embêter ces Polonais, peut-être un ton en dessous. Mais le groupe sera ouvert, tu fais bien de le dire. Et à l'inverse, on n'a pas parlé du Japon, je suis celui qui parle toujours du quatrième. Ouais. Et effectivement, cette année, je pense que c'est une observation sur l'ensemble des équipes asiatiques, je pense qu'ils sont vraiment en dessous. Ils ont eu une... des qualifications difficiles. Je sais que leur entraîneur, mais c'était Vahid Halilhodžić, si je me trompe pas, a sauté juste avant la Coupe du Monde, alors qu'il devait faire pas une Coupe du Monde dans des conditions pas faciles. Ouais. Et donc oui, ces équipes-là se battent toujours, essayent de vendre chèrement leur peau en Coupe du Monde, mais je pense que ce Japon sera vraiment. On a connu des meilleurs Japon. Mais c'est vrai que tu fais bien de parler des équipes asiatiques qu'on voit pas, que ce soit la Corée du Sud ou le Japon. Si j'en oublie pas, normalement Corée du Sud et Japon. Qui semblent un peu en dessous par rapport à leur niveau habituel. Alors qu'elles ont brillé dans les dernières Coupes du Monde, pour en citer qu'une, bien sûr, celle de l'Australie qui fait les qualifs de la zone Asie maintenant. Ouais. Et voilà, je pense que c'est une zone qui passe maintenant bien derrière l'Afrique. Ouais. Non, sans doute. Très bien, on va terminer avec le groupe C, à savoir le groupe de l'équipe de France. On va commencer avec pareil. Est-ce que vous voyez un 9 sur 9 de l'équipe de France? Si je peux commencer, pas forcément, parce que l'équipe de France nous habitue aux 7 points. Et je pense que ça sera encore le cas. C'est possible, et je pense que ça sera face au Pérou. Généralement, l'équipe de France a du mal face aux équipes sud-américaines. Ouais, je pense que c'est face à eux qui perdront peut-être des points. Mais moi, je vois 7 points. Je pense que tu as tout dit. On est d'accord. Ouais. Vas-y, Paul. Non, moi, je vois l'équipe de France l'équipe de France exploser l'Australie. Peu de sont du même avis que moi parce qu'on sait que l'Australie est accrocheuse avec une défense solide, etc. Mais je pense que déjà le dernier match qu'on a joué contre, on leur a mis 7-1, je crois. Ouais, c'est vrai que il y avait une tôle il y a deux ans. Match amical aussi, non, des tôles. Ouais. Moi, je pense qu'on match amical. N'oubliez pas. Bien nous lancer et je pense qu'on va mettre une. On mettra pas 7. On mettra 7. Et Danemark, pour moi, ils sont en dessous. Et le Pérou, je suis d'accord avec vous, on a du mal à jouer contre ces équipes latino-américaines. On l'a encore vu avec la Colombie récemment, on a perdu 2-0. Et pour en parler de l'équipe de France, je pense qu'on n'a pas à s'en faire de ce match nul contre les États-Unis. Oh là, bien sûr. Il y a un panique qui se lève là, mais alors, c'est pas ça qui m'inquiète. Parce qu'on sait que les matchs amicaux, avant les Coupes du Monde, on a toujours eu un peu de mal. Et je pense qu'on sera réveillé. Ce n'est pas que la France en plus. Hein. Oui, l'Allemagne oui, a fait une bonne Arabie Saoudite. On veut pas se blesser, on veut pas. C'est toujours compliqué ce dernier match amical avant. La seule incertitude au niveau de la titularisation, je pense que Deschamps a son équipe. Mais c'est vrai que. Il a dit j'ai mon 11 au départ. Ceux qui ont bouleversé un peu, qui pourraient bouleverser un peu la hiérarchie, c'est Giroud. Pavard qui, peut-être Pavard aussi, mais Giroud a été moins performant que Dembélé et Fekir à chaque fois qu'ils sont rentrés ou qu'ils ont joué. Donc, ça apporte un peu de fraîcheur, mais après, peut-être tout dépendra de l'équipe en face. C'est ça aussi. Ouais. Oui, lui, il va plutôt s'adapter. C'est pas le genre d'entraîneur qui arrive avec des certitudes comme Joachim Löw. Lui, il va avoir son système. L'entraîneur espagnol va avoir son système. Deschamps, je pense qu'il va plutôt s'adapter à l'adversaire qu'il aura. Est-ce que vous avez un petit joueur qui pourrait porter un peu ce groupe? Je parle pas de l'équipe de France. Hein. Guerrero, Guerrero aussi qui est pas mal, apparemment, c'est le danger à suivre. Eriksen du côté danois, peut-être. Ouais, c'est le seul qui sort au Danemark et qui joue. Poulsen, si on parlait des joueurs de Leipzig. Poulsen et Eriksen, bien sûr. Eriksen qui est un grand talent. Et je pense que pour ces Danois qui sont sur une phase plus difficile de leur histoire footballistique, il faudra un grand Eriksen pour ne serait-ce que sortir du groupe. Et là, j'ai pas envie d'avoir un coup franc d'Eriksen à la 89e. Ah, c'est sûr, ça m'inquiéterait aussi. Sauf si on gagne 3-0. Oui. Sur le groupe, je veux juste vite fait en parler. Moi aussi, pareil, l'Australie, je suis pas non plus convaincu. Je pense pas que la France va faire 9 points ni gagner des matchs largement. Je pense qu'on va faire le taf à être premier. Mais il y a que le Pérou, en gros, qui m'inquiète pour l'instant. Parce que techniquement, et même j'ai vu un match, je crois, 2, c'est cohérent quand même, c'est pas mal. Danemark, on l'a dit, normalement ça doit pas être trop inquiétant vu qu'ils sont pas sur une phase on va dire ascendante comme le Pérou. Mais on parle du pronostic sur la France à long terme ou cette dernière question, je voulais savoir quel est pour vous le parcours réussi de l'équipe de France. Pour moi c'est m'emballer niveau jeu outre le résultat final, et je pense que ça serait bien vu le parcours qu'on a. Un quart ou même une demi, ça serait quand même plutôt pas mal, puisqu'on est quand même un gros outsider, en tout cas sur le papier, même si je pense pas qu'on soit un favori, parce que déjà on n'a pas assez d'expérience dans cette équipe en haut niveau, surtout en Coupe du Monde. Pour moi, il y a un gros manque de cohésion, par contre, en termes de jeu, c'est pas super convaincant. Je trouve que c'est une équipe assez individualiste, tu vois, il y a pas mal d'ego, il y a des joueurs qui... Mieux que nous, Sur le papier, tu parles ? Non, même dans le jeu. Je pense que l'Espagne, le Brésil aussi, même l'Allemagne, je trouve que dans le jeu c'est plus cohérent parce qu'il y a une ossature qui est... Moi je pense qu'on peut raisonnablement espérer la demi, et après je pense que ça sera un cap trop difficile à passer pour une équipe qui est jeune et encore pas super cohérente. Parce que tu parlais de cohésion d'équipe, est-ce que le cas Pogba ne pourrait pas devenir un problème? Parce que si en ce moment c'est plutôt Tolisso qui est performant à ce poste là et si tu mets Pogba sur le banc, est-ce que ça viendrait pas un peu mettre l'embrouille Et c'est le genre de comportement qui peut m'inquiéter, ouais, c'est ça. Ça résume un petit peu le cas Pogba, un joueur qui est finalement en demi-teinte, qui a pas vraiment confirmé en équipe de France et qui a ce statut de on le met parce que c'est un joueur retentissant qui a une grosse valeur marchande. On essaie de pas trop parler du 11 de départ puisqu'on en a parlé la semaine dernière. On essaie de surtout de parler de pour vous le parcours est peut-être pas idéal, parce que le parcours idéal c'est la victoire, mais demi-finale minimum. Après, chez les bookmakers on parlait un peu Guillaume, on est prévu pour la demi-finale, d'ailleurs on est le quatrième pays qui pourrait gagner la Coupe du Monde après les trois que tu as cités: Brésil, Espagne et Allemagne. Après, vas-y Guillaume. Ouais. Il y a des éléments qu'on ne connaîtra aussi que pendant le tournoi. Imaginez l'Argentine termine deuxième, France-Argentine en huitième. Ah, c'est ça. On sort son exploit de Messi, la Coupe du Monde elle est ratée, et c'est pourtant, on n'aura pas eu le temps de s'emballer. Et pareil pour le pour revenir sur l'Euro 2016, on fait finale. Finale c'est bien, mais pour moi c'est pas bien parce qu'on a vu le parcours qu'on a eu. Portugal à la maison en plus. On doit gagner. Oui. Voilà, donc, surtout quand tu as gagné l'Allemagne un peu chanceusement juste avant. C'est ça. Si tu fais finale et que tu as un parcours difficile avec par exemple tu sors l'Argentine en 8e, là ce sera une compétition réussie même si tu auras la déception de la défaite. Ça dépend beaucoup des adversaires qu'on va jouer en fait, pour moi. On termine avec Romain. Donc on parlait d'un parcours réussi. Pour moi, un parcours réussi, même constat, ce sera minimum une demi-finale, tout simplement parce que lors de la dernière demi-finale, on s'est fait sortir en quart et qu'on veut que cette équipe qui grandit et qui nous propose quand même petit à petit des choses de plus en plus intéressantes et de plus de talent franchisse des paliers. Donc c'est le moment pour le faire, d'autant plus pour l'ère Didier Deschamps, voilà, qui sait que là il a une belle carte à jouer et par contre que s'il se plante ce sera sans doute compliqué. Donc pour moi c'est demi-finale minimum qu'on doit réaliser. À l'inverse, comme le dit Guillaume, c'est ce que je voulais dire aussi, ce qui peut être difficile c'est le parcours suivant les adversaires qui sortent des autres groupes et il est tout à fait possible aussi que cette équipe de France, qui peut même être emballante en phase de poule, on attend de voir bien sûr, se fasse sortir dès les 8e de finale, et si c'était le cas ce serait forcément un parcours raté alors qu'on pourrait se faire sortir effectivement par un exploit ou en tout cas par une grande équipe, parce qu'on peut prendre la Croatie ou l'Argentine en 8e de finale. Non. Et donc, c'est là on va vraiment lancer la compétition sur ce match là. Je nous vois, c'est un peu tout ou rien quoi. Personnellement je nous vois soit aller très très loin et en demi-finale, voire sait-on jamais sur un match jusqu'en finale, comme on peut sortir dès les 8e. Alors après je peux me tromper, si ça se trouve on se retrouvera à sortir en quart de finale, et j'espère en tout cas bien sûr qu'ils nous feront donner tort sur les petites incertitudes qu'on peut avoir à la fois dans le jeu et puis sur le fait de d'hausser son niveau de jeu dans les grandes compétitions et face à des équipes armées et expérimentées et qui pourront aller très très loin, parce que voilà, sur ces matchs-là et avec le talent qu'il y a, c'est pas exclure aussi qu'ils aillent très très loin dans cette compétition. Mais voilà, attention entre les bookmakers et puis les surprises des Coupes du Monde, et j'espère voilà, que là on nous met assez haut et qu'on sera capable de le confirmer. Très bien, on finit pile à l'heure, on est parfait au niveau du timing aujourd'hui, et on passe à notre deuxième pause musicale, à notre titre de cette dernière Coupe du Monde 2014, c'est Chokri, le titre Time of Your Life. de retour sur Sport & Chill, c'était Chokri avec le titre Time of Your Life. On passe tout de suite au sport montpellier. Sport & Chill, le sport montpellier. On va parler 10 minutes du sport montpellier, pas de résultat cette fois-ci, mais quelques infos en bref. On va parler du MHB, mais aussi du MHSC en quelque sorte. Annoncé donc en 2016, en même temps que la création donc, du futur stade de football, la salle des sports de 6000 places pour le MHB va voir le jour. C'est Philippe Sorel, le maire de Montpellier et président de la métropole, qui l'a confirmé ce jeudi lors d'une conférence de presse, avec un coût qui s'élèvera à 50 millions d'euros environ, selon ses pas mal. Donc ouais. Il sera voisin au futur stade Louis-Nicolin dans le quartier Cambacérès. Le quartier Cambacérès, c'est celui qui est à côté de la future gare. Encore créé, ouais. De la future gare de Montpellier. Pas loin de ouais. D'ailleurs, ils vont prolonger un peu la ligne 1 au Lycéum pour aller jusqu'à la future gare. Cela. Ah bon, jusqu'au stade. le MHC donc pourrait investir. Enfin oui, ils veulent aussi accueillir le MHB qui ne peut plus accueillir des matchs européens à Bougnoles. Parce que c'est plus dans les normes. Et ils veulent aussi accueillir le BLMA, donc le club de basket féminin, qui pourrait évoluer avec eux dans ce gymnase, dans cette salle, parce que le BLMA évolue actuellement dans un gymnase, donc c'est moyen. Ouais, c'est l'ancienne, ouais. Le MHSC donc, pourrait investir, lui, dans le stade de foot. La première pierre sera posée le 7 juin 2019 pour le stade de foot. Très ambitieux, ça. Pour ouais. le premier jour de la Coupe du Monde féminine. Qui a lieu à Montpellier également. Donc la livraison de la salle des sports donc, pour le handball est envisagée à plus long terme. Ça serait plus vers l'horizon 2023. Donc, voilà. Pendant ce temps-là, les matchs européens, ça se jouera à l'Arena pour le MHB. D'ailleurs, Sorel a parlé de cet accord qu'il y a eu à l'Arena parce que Montpellier avait du mal à jouer à l'Arena parce que trop cher. Dernièrement, oui, il faut le remplir, mais surtout Montpellier Events demandait beaucoup au handball. Ils sont gourmands ceux-là. Hein. Mais un accord a été trouvé pour que le MHB y évolue à moindre coût, on va dire. Donc à partir de l'année prochaine, le MHB jouera à l'Arena. Et quant à Bougnoles, le Palais des Sports René Bougnoles, 1,9 million vont être injectés tout de même par la métropole pour la rénovation de l'accessibilité de cette salle. Les travaux se dérouleront pendant l'été 2019, donc l'année prochaine. Philippe Sorel donc, a dit « Après la construction de la future salle des sports, Bougnoles restera un équipement sportif, on n'y construira pas de logement », dont il promet ça. Il annonce en même temps un coup de pouce aux handballeuses de Montpellier, qui joueront sûrement dans cette salle, puisqu'elles ont accédé cette année en N1. En N1, attention, c'est pas la Nationale 1, c'est la Nationale 1, mais c'est la 3ème division. Mais c'est tout de même une accession à un niveau supérieur. Et des travaux aussi à la salle de Coubertin. Je crois que c'est la salle de Coubertin, si je ne me trompe pas, c'est la salle de volet. Mais c'est aussi la salle. Alors maintenant, le volet. Le volet, c'est au Palais des Sports à Castelnau. C'est à Castelnau, mais ça joue aussi à Coubertin à l'époque, qui est vers la Mosson, je crois que cette salle. Voilà, pour le basket Mosson et le futsal, qui joueront là-bas. Voilà. Donc beaucoup de nouveaux stades à Montpellier qui se veut résolument la capitale française des sports. Il faut des outils à la hauteur de. D'ailleurs, on continue avec les nouveaux stades, puisqu'on parle d'un nouveau naming pour le stade de rugby. C'est le groupe montpelliérain d'aménagement foncier et immobilier, donc savoir GGL, qui a été retenu par la métropole de Montpellier comme le futur naming du stade qu'on connaissait comme Yves du Manoir ou Ultra Stadium, mais qui donc s'appellera le GGL Stadium pour l'année prochaine. Charmant. C'est charmant, mais ça fera des sous pour Montpellier. Côté positif. C'est une durée de 3 ans, à compter du 1er juillet prochain, moyennant une redevance de 480 000 euros par an. Voilà, pour le club. Ça vaut le coup. Donc le groupe GGL succède ainsi donc au groupe Altrad, bénéficiaire depuis l'été 2014. Donc c'était un partenariat gratuit Altrad, donc là ça fera des sous cette fois-ci. Donc deux candidats avaient répondu à l'appel des candidatures. Donc outre le groupe GGL, c'était un autre groupe immobilier, c'est un biterrois, Angelotti. Qui était aussi spécialisé dans l'aménagement et l'immobilier. Donc voilà pour le MHR. Donc le volet, c'est Lévi Cabral. Donc pour ceux qui sont spécialistes de volet, ils doivent connaître. Pour les autres, je suppose que nous, on ne connaît pas trop. C'est notre cas, ouais. C'est un retour pour ce Brésilien. Après une première expérience, réussie à Saint-Nazaire en 2013-2014 et une deuxième à Tours 2016-2017, marquée par un succès en petite coupe d'Europe, le réceptionneur brésilien s'est donc engagé avec Montpellier, un joueur d'expérience et apparemment vraiment talentueux, qui vient donc de rejoindre le Mavuc et qui donne des espoirs pour une bonne saison l'année prochaine de Montpellier, un peu à l'instar du BLMA qui a fait un gros recrutement, on en a parlé la semaine dernière. On passe aussi au tennis, au tournoi ITF, donc un petit tournoi de tennis féminin. C'est pas un tournoi ATP, c'est pas un tournoi ITF. L'équivalent des Challengers. Ouais, voilà, l'équivalent des Challengers, merci Guillaume. Voire futur des fois. C'est du 18 au 24 juin ici à Montpellier. C'est la 13e édition de cette Open sur terre battue, donc ça c'est la surface. À noter tout de même la participation de la Suisse estimée à Bazinski. Qui n'est pas n'importe quoi pour un petit tournoi. Qui a baissé au classement, qui a un peu disparu. Ouais, qui est 63e mondial, qui reste bien classé. Et qui viendra à Montpellier. Et puis d'autres joueuses françaises qu'on a pu voir, notamment à Roland-Garros cette année, avec Myrtille Georges, Chloé Paquet ou encore Fiona Ferro, qui avait fait quelques tours, je crois. Fiona Ferro. Ouais, donc elles seront à Montpellier. Avant-dernière info, on va finir par ça, on va faire l'Odyssée de la pétanque que tu vas couvrir d'ailleurs. Je vais couvrir mon cher Paul. L'Odyssée de la pétanque qui a lieu donc du 13 au 17 juin 2018. Eh oui, c'est quelque chose d'important dans. Dans le monde de la pétanque. Il y en a qui veulent au JO. Voilà. Oui, voilà, 2024. Qui réunira les plus grands champions de la pétanque, champions du monde, etc. Notamment beaucoup de Français. Il y aura 12 nationalités côté tableau masculin et 8 ou 7 pour côté féminin. Donc voilà, les choses sérieuses commencent samedi, dimanche. Mais sinon, à partir de mercredi, vous pourrez voir Odysseum déjà des boulistes commencer à. Sur la sorte d'amphithéatre, là, c'est ça? C'est ça, battu à la place des grands hommes sous les yeux de Charles de Gaulle, de Mao et de la pétanque et du Ricard. Ça dans le rond, voilà. Et puis il y aura aussi évidemment d'autres spots où on pourra se faire certaines parties. Donc voilà. Très bien. J'ai fait un tour. Moi je termine par cette information là. Je voulais finir par ça parce que un certain chroniqueur, à savoir Thibaut, qu'on ne voit plus trop en ce moment mais qui n'a pas le temps, mais on le reverra très rapidement, peut-être la semaine prochaine. Un grand joueur de foot. Avec son équipe a gagné la Coupe de l'Occitanie ce week-end. Donc c'était une coupe assez prestigieuse étant donné qu'il y avait notamment les nouveaux clubs de la région, puisque c'est Occitanie, donc les clubs du côté de Toulouse, je suppose. Donc Thibaut, oui, pardon. En foot, tout simplement, d'accord. Et donc Thibaut, ainsi que son équipe Les Frontignans, s'est imposé 1-0 en finale face à AS Rousson. Donc félicitations à eux et félicitations notamment à Thibaut. Voilà, on va le saluer. Ouais. Et puis en plus, c'est, on espère le revoir bientôt d'ailleurs. C'est du local. C'est bien, on parle du football amateur aussi. Qui confirme au très haut niveau, faut le souligner. Allez, on va passer à quelque chose qui vous intéresse plus, à savoir jingle quiz. Enfin. Sport and chill, le quiz. Et comme je vous l'ai présenté au début d'émission, c'est un quiz spécial équipe de France en Coupe du Monde, donc équipe de France dans l'histoire de la Coupe du Monde de 1930 à nos jours. Et on va commencer par... est-ce qu'on va pas avoir une petite musique qui fait peur, cher Arnaud, de la technique? On va commencer avec une question histoire de l'équipe de France en Coupe du Monde. Nous. On va faire un tour de table. Combien de fois l'équipe de France ne s'est-elle pas qualifiée pour la Coupe du Monde? Un tout de son histoire? Ouais. Tu peux commencer, Guillaume. La Coupe du Monde a commencé en 1930. Ouais. Est-ce que je voulais que je vous aide? Ouais, parce que là, il y a c'est la 20e édition cette année de la Coupe du Monde. Ouais. D'accord. Alors, je vais dire. Je vais dire 0. Elle s'est toujours qualifiée? Pour toi, c'est toujours qualifié. Tu parles de quoi? En phase finale, là, ce qu'on va revivre là, oui, maintenant. Ce qu'on va vivre là, ouais. Je vais dire. T'as eu la surprise, c'est pas ça. Une fois. Une fois. Ouais. Quatre. Quatre fois. Il a l'air serein. Moi, depuis le début, j'étais sur 3. Donc, je vais rester fidèle à moi-même. Et même si Guillaume a l'air d'être sûr de lui, j'ai 90, 94, 78. Eh oui, putain. Ouais, 90, 94. Évidemment, 94 avec. Costa Adina. Ouais. 74. 70. Ouh, il y en a plus. Il y en a 5. Et 62. Plus. Encore un autre. Là, c'est les 5 là, ils ne sont pas qualifiés. Et aussi en 1950, par forfait. Donc ça fait 6 fois. Ils ont fait 14 éditions sur 20, l'équipe de France. C'était pas loin. C'était pas loin, en effet. Qu'est-ce qu'on pense? Alors, Guillaume. Pardon, je m'en excuse auprès des auditeurs et auditrices. Non, non, mais c'est pas ton, non plus ton sport de prédilection. Auprès hein, de tous les supporters des Bleus. Ouais, ouais, non, mais si, de France et de Navarre. Grand fan de France, la lame. Ah oui. Là, ouais. Aussi. Du coup, un point pour Guillaume L. Bravo. Encore histoire, rapidité. Non, tour de table encore. Thierry Roland, un commentateur emblématique évidemment de l'équipe de France. Mais au fait, en quelle année a-t-il commencé à commenter sa première Coupe du Monde? Waouh. On va commencer avec quelqu'un d'autre. Guillaume, tu commences cette fois-ci vraiment. Je vais dire la première Coupe du Monde qu'il a faite. Ouais. 2006. Qui a commenté? Thierry Roland. Ah, Thierry Roland, bordel, Thierry Roland. J'étais à Thierry Gilardi, moi. Putain, Thierry Roland, alors là, ça doit être. Thierry Roland. Thierry Roland. Allez, Guillaume, ne fais pas tarder, sinon moi. Allez, je vais dire 90. 90. Ah, moi, j'allais dire la suivante. Enfin, 94. La précédente, 86. 86. J'aurais dit, ouais, avant. 1962. 1962. Ah, je dis ça d'ailleurs. Ouais, t'as l'air confiant. Ouais, je vais vous expliquer après. Il impose. Je vais vous expliquer après d'où sort mon calcul. Moi j'aurais dit 74. Vas-y, explique-moi ton calcul, puisque c'est la alors, bonne réponse. En ce moment, je suis très nostalgique, très France 98, et je re-regarde les matchs de la Coupe du Monde 98. Et il y avait le deuxième match de la Coupe du Monde 98 qui était à Montpellier, et Roger Zabel, qui était présenté sur TF1, ouais, disait et je félicite Thierry Roland qui commence le commentaire de sa 10e Coupe du Monde. Belle. Donc si on rêve, voilà. C'est la première Coupe du Monde en 62, donc au Chili, avec si l'ORTF. Ah, ça, ça mérite. Et apparemment, c'est ça, ça me parlait. Celui-là était beau, celui-là. Allez, on continue avec rapidité. Sur la Coupe du Monde 1982. Hidalgo, le sélectionneur de l'équipe de France, est furieux lors d'un match de ce mondial. Pour quelle raison? Mais c'est sur c'est l'attentat de sur Batiston, non, en demi-finale, non, contre l'Allemagne. Le Koweït. Précise. L'histoire de l'émir du Cheikh. Ouais, on va l'accepter. Voilà. La France affronte le Koweït en deuxième match de poule. Après un quart d'heure de la fin, l'équipe de France mène 1-0, puis se fait prendre un but. Enfin, les trois buts, c'est Gengini, pardon, on dit Platini, donc et Six. Le Koweït marche juste après 3-1, avant de reprendre tout de suite après un but de la France. C'en est trop là pour le chèque du Koweït qui descend sur le terrain. Et qui va insulter l'arbitre de tous les noms. C'est bon. Lolo Nicolas 2.0. Oh là, ça aurait pu le faire aussi. Hidalgo, qui est le sélectionneur de l'équipe de France, pète un câble. Parce que c'est n'importe quoi. Ouais, normal, ouais. Et la police espagnole, car ça se jouait en Espagne. Ça se jouait en Espagne. À Séville, si je ne me trompe pas. Oui. La police espagnole. Séville, c'est la demi-finale. Est en train de. Enfin, reprend Hidalgo et non pas le chèque, puisqu'il est trop important. Pas de problème. Et Hidalgo ne pourra pas revenir sur le terrain juste avant la fin du match. Incompréhensible. La France. Attention avec Poutine. La France s'imposera finalement 4-1 dans ce match et le Koweït sera éliminé. Voilà. Échec. Échec et match. Ouais. Par contre. Très belle anecdote. Merci. T'as pas vu Guillaume avant l'émission? Ah non, ils sont complémentaires les deux. Ouais. Ils sont venus ensemble en plus. Non, mais on sent que tu as de l'amitié, il y a des. Ça forge, ouais, bizarrement. Il y a des choses qui se passent. Il y a des ondes qui se passent, il y a des transferts. Mais inconsciemment. On ne doit pas trop s'apprécier avec mon flow. Hein. C'est vrai parce que. Vrai, on fera peut-être ton total Coupe du de monde sur l'année. Ouais, c'est pas incroyable. 1978. Ah là, lâche-moi un mot. Ah, la France n'est pas qualifiée. Comment Bernard Lacombe s'est illustré à la Coupe du Monde 78? Arbitre. C'est un arbitre? Non. Okay, Bernard Lacombe qui est à Lyon maintenant. Qui... Ouais, dans le staff, ouais. Mais qui était joueur. Bien sûr. À la Coupe du Monde 78. Il a marqué? Précise. Ah, il marque le but de la qualif contre. On était pas qualifié en 78. Si, si, c'est contre l'Espagne. Il fait. Il y a quelque chose avec la célébration. Non, c'est ça. Non, je suis bête. Il marque. Un doublé? Non. Non, parce que ça a rapport avec la célébration après le but ou rien à voir? Non. Il marque un but de la qualif pour. Non. Dis non déjà. T'es sûr? Persiste. T'es sûr de toi? Putain, il me dit quelque chose en plus. Un petit geste de la main, ils verront pas ils verront pas ceux qui nous écoutent. Bah, il marque de la main. Non. Avec une montre? Il marque après la fin du temps réglementaire? Non. Il joue avec une montre? Il marque avec une montre. Pas. Un truc de sponsor, non? Il regarde l'heure encore. C'est le but le plus rapide de l'équipe de France. Il marque après 38 secondes contre l'Italie. Il marque le retour de l'équipe de France après 12 ans d'absence. Ça paraît assez logique avec ton geste. Ouais, en plus, on a été sur le but de la montre. Coupe du monde 1980. Ah ouais, c'est peut-être 82 finalement. Ah non, c'est 86. Si je me. C'est 86, ouais. En effet. C'est là où il y a. C'est au Mexique. C'est au Mexique, c'est là où il y a Harald Schumacher, on est d'accord. Non, 82. Non, ah, 82, 82 alors. 82. C'était pas au Mexique. On se souvient donc de la demi-finale, on peut dire volée, hein, tristement, entre la RFA qui a perdu en Espagne. Et la France et la victoire des Allemands au final. La France s'incline donc pour le match aussi de la 3ème place. Mais c'est contre quelle équipe qui perd ? Le poteau carré ? Non, en 3ème place, ils perdent contre une autre équipe 3-2. La Belgique. C'est rapidité, vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est pas le Portugal, l'Italie. Non, c'est pas commun. Ça m'a assez surpris. RFA. Non. Le Chili. RDA cette fois-ci. C'est bien aux connaissances. Non plus, pas le Chili. Qui finit 3ème en 86. Hollande. 82. 82, oui. Pays-Bas. Non. Non, Hollande. Hongrie. Non. C'est un pays européen. La Suisse. Non. Pologne. L'Irlande. Oui, la Pologne. La Pologne. La Pologne, oui, en effet, point pour monsieur Guillaume B. Il était temps. Alors, enfin. Rapidité. T'as pas les questions faciles. Qui c'est qui a pris Coupe du monde 2018. Tranquille ça. Coupe du monde 2018. Ah, elle a pas eu. Mais elle a pas eu encore. Rapidité. Parmi les 23 sélectionnés pour cette Coupe du monde, qui est le plus vieux de l'effectif ? Rabiot. Ouais, c'était cadeau. Ça là, c'est cadeau. Olivier Giroud. Non, je pourrais mettre le point tellement ça fait. Adjurami. Yoris. J'étais sur Yoris au début, mais. Mandanda, 34. Mandanda, bien sûr. 33 ans. 33 ans. Pour Steve Mandanda. Coupe du monde 2014, c'est encore. Steve. Ah, c'est toujours. C'était il y a 4 ans, donc ça serait plutôt facile, mais c'est une question compliquée, je trouve. Ouais. Si je vous dis donc Noël Valadares. Et Joseph Yobo, qui ont tous les deux rapport avec la Coupe du Monde de la France 2014. Quel est ce rapport ? C'est joueur de Nigeria, non ? Ouais, c'est. Ou d'Afrique ? Un des deux est du Nigeria, en effet. Et un Hondurien ? Et un Hondurien, ouais. Et alors ? Ils ont la nationalité française aussi ? Non. Ils ont fait quelque chose pour l'équipe de France. Ils ont marqué contre leur camp ? Ils ont marqué contre leur camp. Putain, je suis bête. Ils sont tous les deux buteurs contre leur camp pour qui a donné. J'avais le Hondurien, mais alors les buts contre le Nigeria. Ouais, si je me rappelle. Bah, le 2-0 que la France a gagné. Le but de Hondurien, je crois qu'il y a eu la goal line en plus. Ouais, sur ouais exact. C'était ouais, la première utilisation. Coupe du Monde 2010. Rapidité. On se rappelle du barrage contre l'Irlande avec la main de Thierry Henry. Mais qui marque ? Gallas. Oui, William Gallas. Point pour les deux. Romain, je sais pas si j'ai pas entendu. Je l'avais, mais je l'ai pas dit. Est-ce qu'on donne le point à Paul seulement pour faire durer le suspense ? Merci Guillaume, tu vois, 100v2. Mais même moi, 25 Paul. Tu vas grappiller. J'ai un petit endroit. Coupe du monde 2010. Rapidité. Puis la Coupe du monde est catastrophique après ce barrage un peu volé, on peut le dire. Avec l'affaire donc Next, et puis l'équipe de France n'a marqué qu'un seul but, qui est le buteur ? Malouda, ouais. Ah, immoral, Malouda, ah, c'est Malouda. Ah, ça fait deux fois que je l'ai en retard, quoi. Ouais. Malouda. Je l'avais aussi en plus. Sud. On a une référence à Florent Malouda. C'était contre qui ? Contre l'Afrique du Sud. Ouais, en plus, le plus facile, quoi. Je me sens bien réveillé. J'avais 3 points pour cette question. J'avais Galas et Malouda, je le dis 20 ans après, quoi. Très compliqué. Qui est Jean ? Déjà le nom est un peu bizarre. Eskanazi. Comment a-t-il agi dans l'histoire de la Coupe du Monde en France ? Le premier joueur à marquer en Coupe du Monde pour la France. Non, c'est un seul. Le créateur ce du. N'est pas un joueur. Créateur du deuxième deuxième trophée ? Non. Non, ça c'est le nouveau trophée. Ouais, mais c'est le premier, mais le premier non, le trophée a changé en 70. Pas de sélectionneur, c'est un journaliste. C'est pas le même. Journaliste. C'est lui qui a créé la Coupe du Monde. Non. C'est joli, mais. Non, il faut que je tente quelque chose. Attends, c'est dommage, ouais, mais. Qu'est-ce qu'il a apporté à la France ? C'est peut-être le seul d'ailleurs au monde qui a fait ça. Il a volé à la Coupe du Monde ? Non. C'est pas lui le voleur. Attends, répète. Alors, répète là tout de suite, s'il te plaît, mon ami. Qui est Jean Eskenazi ? Comment a-t-il agi dans l'histoire de la Coupe du Monde en France ? D'accord. Mais ça, c'est possible, j'ai pas vérifié, mais c'est possible que ça soit au niveau mondial aussi. Mais en France, c'est sûr. D'accord. Premier sponsor ? Non, c'est très compliqué, hein, je vous cache pas. T'as parlé du journalisme ? Ouais, c'est un journaliste sportif français. C'est le premier qui a parlé de la Coupe du Monde. C'est le premier journaliste à avoir joué pour l'équipe de France. Non. T'as dit quoi? Créateur de la FIFA 1904. Non. Non. Vas-y, répète. Qu'est-ce que fait un journaliste? Débat. Et le premier match couvert à la télé. Ça commence à arriver. C'est le premier qui a couvert la Coupe du Monde. Commence à arriver. Le premier article. À commenter. Premier à commenter la France. Non. Premier. C'est le premier match sur la durée. Il a commenté le plus de Coupe du Monde. C'est lui qui a suivi le plus de fois l'équipe de France. Quasiment. En Coupe du Monde. Plus de matchs de Coupe du Monde commentés. Ouais. Non, je vais le faire parce que. Je vais le faire. 20 minutes. Mets-nous sur la voie. Alors, je peux pas plus. Vas-y, dis-le. Je peux pas plus. Pendant toute sa vie, il a couvert toutes les Coupes du Monde de sa vie. De 1930 au premier, jusqu'à sa mort en 1986. C'est peut-être le seul journaliste sportif qui a couvert toutes les Coupes du Monde pendant toute sa vie. Ça, c'est beau, ça. Donc, à partir du moment où il était journaliste. La première Coupe du Monde, il avait 17 ans. Et en 1930. 17 ans au début. 17 ans, il avait. Comme quoi, hein, 17 ans, il a couvert sa première Coupe du Monde en 1930. Le Bappé du journalisme. Et toutes les Coupes du Monde, il les a suivies jusqu'à sa mort et la dernière Coupe du Monde en 1986. C'est incroyable. Voilà. C'est beau. Qui suis-je? Allez, qui suis-je? Je mets 2 points. Je vais essayer de faire revenir les autres. Né aux Abîmes en Guadeloupe, j'ai participé à une Coupe du Monde avec les Bleus. Je suis passé par de nombreux clubs et je joue encore dans le futur club de Wayne Rooney. Enfin, le possible futur club de Wayne Rooney. J'ai commencé au Havre avant d'aller à Bastia, puis de partir en Angleterre dans de nombreux clubs comme Wigan, QPR. Quoi? C'est pas Louisa? Non. Shibonda. Pascal? Ouais, Bouja, celui-là. Blackburn, Tottenham ou encore Sunderland. Mon apogée, je l'ai évidemment fait à Tottenham en 2006. C'est surtout l'année de ma Coupe du Monde. Je suis un défenseur et sûrement l'une des plus belles surprises d'une liste des 23. Shibonda. Qui suis-je? Pascal, Shibonda. 2 points pour Guillaume. Merci. Pascal. Où suis-je? Attention, c'est un lieu. C'est une ville que je veux. Nous sommes un 21 juin. L'équipe de France venait d'éliminer l'un des plus grands pays du foot au monde par une victoire au tir au but. Lyon. Guadalajara. Guadalajara. L'un des plus beaux matchs jamais joué par les Bleus dans un stade grandiose de Jalisco. Ou Jalisco pour les Français. Jalisco, c'est mieux, quoi. Champion d'Europe en titre, tombeur du tenant en titre italien en 8ème de finale. Le 21 juin, malgré l'usure de Giresse, la plus belle Belgique de Platini, le carré magique avec Fernandez et Tigana incarneront cette victoire face à la Seleção, le Brésil. Où suis-je? Donc le 21 juin 1986 au stade de Jalisco de Guadalajara, où la France s'impose un partout, 5-4 au tir au but face au Brésil de Zico, Santana ou encore Socrates, Platini, quart de finale de la Coupe du Monde. Pour les Mexicains qui nous écoutent, c'est bien à Guadalajara. C'est juste marrant parce que j'ai une amie mexicaine. Tout ce qui est espagnol ici, le VD espagnol, ça va être dur pour toi. Dernière question. 3 points parce que bon, je vais essayer de faire un revenir, mais même avec ça, je pense que ça sera pas suffisant. Je vais mettre un mode safe. On va faire un tour de table et si vous avez faux, vous êtes éliminé. Dégagez. L'équipe de France retrouve le Danemark cette année en Coupe du Monde. La dernière fois, c'était malheureusement pour nous en 2002 où l'équipe de France avait perdu 2-0. Qui était le 11 de départ de l'équipe de France en 2002? Alors, tu peux commencer, Romain. Qui était? On dit un nom par joueur. On fait quoi? Un nom même par joueur. Même le banc ou un type? Un nom par joueur. Un nom. Et puis si vous avez faux, vous êtes éliminé. D'accord, je okay. vous compte les trois aussi qui sont rentrés. Thierry Henry. Si je me trompe là, c'est vraiment pas mon quiz. Éliminé. Ah bon, c'était pas ma soirée. Hein. C'est puni. Merci de l'avoir pris. Zinedine Zidane. Zidane, oui. Dugarry. Dugarry, oui. C'est un 4-3-3 si vous voulez. Si vous voulez être plus précis. J'ai tenté Makelele. Makelele, oui. Ah oui, c'est vrai. Pardon, Barthez. Barthez, oui. Ah, tu l'as envie. Vieira. Vieira, oui. Willy Sagnol. Éliminé. Non. Oh, c'est puni. Guillaume. Vicente Lizarazu. Lizarazu. Ah, belle la relève. Lilian Thuram. Thuram, oui. Putain, j'aurais dû faire plus simple. Marcel De Sailly. De Sailly, oui. Il est beaucoup trop facile pour moi, ça va pas du tout. Ouais, pourquoi j'ai dit Thierry Henry? Il reste 2 attaquants, question. Un défenseur et les 3 qui sont rentrés. Dont les 3 qui sont rentrés, il y a 2 attaquants et un milieu. Attends, donc on attaque Trezeguet. Trezeguet, oui. Il le refait là, c'est terminé. Lilian Thuram. Donc j'ai dit, c'est bon, j'ai gagné. Non, il a dit. Mais c'est pas allez, je te laisse continuer quand même. Non, bah, en défense centrale. Si vous avez d'autres. Le buff était plus. Sinégo, vous non? Non. Non. Le buff non. Wiltord non. Wiltord y était devant. Ouais, Wiltord, ouais. Un défenseur, il est de la région. Il passe Laurent à Blanc. Laurent Blanc. Vincent Candela. Vincent Candela, oui. Ah, ben, Laurent Blanc. Ouais, on a souvent et les trois qui sont rentrés, donc deux attaquants. On l'a vu hier à Roland Garros en finale. Il était dans les tribunes, juste au-dessus de Zidane. Il était juste au-dessus de Zidane dans les tribunes. J'ai pas vu. Yann Mikou. Un certain Arménien. Dorkaev. Yuri Dorkaev qui est rentré. Un joueur qui mettait souvent des retournées, assez atypiques. Mollet Paquet. Et avec de nombreuses crêtes à son actif. Djibril Cissé. Ainsi que l'idole de Toni Kroos. Johan Mikou. Normal. Voilà, donc 3 points pour Paul qui passe deuxième du coup sur ce quiz. C'est beau. Guillaume a gagné le quiz avec une belle victoire avec 7 points. Paul bon, 4, merci Guillaume, l'autre Guillaume 3. Pas et si Romain, c'était pas du tout sa soirée. Sous pas mais je crois que c'est. L'image de ma chère. En 3 saisons, je crois que c'est la première fois que je fais 0 points. Ah, c'est possible. Ah, tu fais 0 là ? T'as fait un RQG. Fait 0. Ah, rien. R-quiz, il était à deux fois à côté, mais juste après. Et mon Guy, la vague fraîcheur, hein, c'est rare. C'est parce que tu vois, je suis c'est venu sur rare, mais efficace. C'était ma deuxième et j'aime pas ce type d'échec. La bourra sur le mec. Surtout sur la Coupe du Monde. 50%, c'est pas mal. C'était recherché comme quiz. Respect d'ailleurs à Guillaume. Un coup de cyclisme, ne pleure pas la prochaine fois. Non, mais t'inquiète pas, je vais faire que je maîtrise aussi le football. Quiz d'hiver. Mais là, on a déjà fait. Là, c'était pas mon. Allez, c'était pas on va joueurs. Passer à l'agenda. On n'est pas trop en retard, donc ça va. On passe au cyclisme. Est-ce que tu as un agenda cycliste à nous oui. dire ah je pense que oui. J'ai un agenda cyclisme en cours avec le Tour de Suisse qui va continuer tout au long de la semaine. On était plus dans les étapes de plaine, donc on va avoir droit désormais à la bonne montagne suisse et on aura de quoi nous proposer, surtout au vu du plateau de coureurs qu'on aura en face de nous. Ensuite, comme événement, je recite un peu ce que j'avais dit en natation, la suite du Mare Nostrum du côté de Barcelone, et voilà que je me rappelle plus de l'autre ville que je vous ai citée, Monaco bien sûr, les 16 et 17 juin, donc ce sera le week-end suivant. Et puis avant de vous laisser continuer l'agenda, je me fais un petit peu plaisir en annonçant la agenda très pour l'accent sud, du sud. Très improbable, je l'avoue, oui. Mais c'est pour ça que j'avais mon écharpe avec moi. La finale d'accession à la Liga qui a lieu ce week-end et qui va opposer mon équipe de cœur et d'Erasmus, le Real Valladolid, à la surprise du chef Numancia qui a éliminé Saragosse. Donc je souhaite bon courage à mon équipe au plus grand Valladolid. Et en plus, voilà. La demi-finale, c'est bien dit. Hommage à un Loguenito, comme on dit. Exactement. Et sachant que ce sont des playoffs en Liga, et le Real Valladolid qui s'est imposé au meilleur des deux matchs et qui a l'emporté 3-1 à domicile et 2-1 à l'extérieur à Riron. Je vois que tu regardes ton portable, Guillaume, c'est pas du basket, mais qu'est-ce que tu as nous proposer ? Non, plus de basket, hélas, mais j'ai un petit combat de boxe intéressant entre Errol Spins, l'américain, et un jeune très prometteur mexicain, Ocampo. Donc, duel entre deux boxeurs qui sont invaincus encore pour la ceinture IBF des poids welter. En rugby, on a encore France All Blacks ce week-end, mais sinon il y avait d'autres matchs aussi de tournée, notamment l'Angleterre qui est en Afrique du Sud et l'Irlande qui est en Australie. Voilà. Très bien. Je sais pas si tu l'avais fait, moi j'avais fait le tennis au cas où, Guillaume. Je t'avais pas dit de le faire, donc c'est ma faute, mais je l'ai fait du coup. Il y avait l'ATP Stuttgart avec les deux Français combien de Français ? 3 Français. Lucas Pouille qui est bail, du coup, qui joue pas le premier tour. Gilles Simon qui joue contre un qualifié, je sais pas si c'est tombé. Et Père qui joue contre Fritz. Il a noté qu'il y a Federer, Kyrgios ou encore Berdych en tête de série à Stuttgart. Et l'autre ATP, c'est tu pourras m'aider sur ce nom. Sertogenbosch. Avec les deux premiers du tournoi, ce sont des Français, donc ça veut dire un peu la tête du tournoi. Manarino premier et donc Bay aussi, donc et Gasquet numéro 2 et Bay. Au moins on aura des Français le jeudi. Voilà. Ouais. Et du coup, les autres Français, c'est Chardy qui jouera contre Garcia Lopez et Pierre-Hugues Gerber qui jouera contre Ebden. Et chez les femmes, le WTA aussi à Hertogenbosch, il n'y a aucune française. Et WTA Nottingham, il n'y a aucune française. Donc les françaises courage. Sont en vacances. On garde la balle. Elles devraient rentrer sur gazon à Eastbourne la semaine prochaine. Voilà, avant d'attaquer Wimbledon. Qui arrive bientôt. Plus ou moins. Qui arrive bientôt. Faut mesurer ses mots, hein, avec le tennis français. Est-ce que vous avez autre chose? Moi, j'ai les 24 heures du Mans, je crois, ce week-end. Oui. Donc, un événement. Avec Alonso, qui sera de la partie. Et Nadal qui va donner le coup d'envoi. Oui, Nadal qui va baisser le drapeau. Est-ce que vous avez d'autres. Nadal aura peut-être une meilleure voiture que la Coupe du Monde. Ah, je suis pas sûr, mais je pense qu'il y a peut-être des. Oui, la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, ouais. Qui va se lancer. Je voulais finir sur ça. Non, avec le choc du match d'ouverture. On va commencer donc la Coupe du Monde jeudi, oui, comme tu as dit, le choc du match d'ouverture Russie-Arabie Saoudite. Il fait mal celui-là. À 17h. C'est le pire match d'ouverture qu'on a eu depuis. Je pense que oui. On n'a pas envie d'attaquer la Coupe du Monde sur ça. Vendredi, ouais, je regarderai quand même vu que c'est un match d'ouverture. Vendredi, Égypte-Uruguay, intéressant. Pour les spécialistes du foot à 14h, Maroc-Iran à 17h juste pour l'apéro. Et Portugal-Espagne à 20h, le gros match pour celui qui va lancer ma Coupe du Monde pour l'after. Samedi, c'est la seule journée avec 4 matchs d'affilée et on pourra commencer très tranquillement autour d'un barbecue à midi avec France-Australie. À 15h, Argentine-Islande pour la pause, petite sieste. Allez, touche chez Guillaume. Et l'apéro aussi, peut-être. Et à 18h, Pérou-Danemark, le match pour le groupe de l'équipe de France. Ah. Et un alléchant Croatie-Nigeria à 21h. En closing. Dimanche, toujours en au week-end, digérer. Costa Rica-Serbie à 14h. Allemagne-Mexique, qui va être intéressant aussi, à 17h. Enfin, un petit Brésil-Suisse à 20h. Et le lundi, le jour de la prochaine émission, Suède-Corée du Sud à 14h, Belgique-Panama à 17h, et nous on fera l'émission en même temps que Tunisie-Angleterre, qui sera à 20h si je me trompe. Écouter l'émission, vaut mieux écouter l'émission, vous inquiétez pas. On fera des petits points. On fera des petits points pendant le match, oui, bien sûr. On parlera de la Coupe du Monde encore. Au pire, on achète les droits. Hein. Quelques émissions, vous inquiétez pas. Ouais, on achète les droits. Il est un peu tard là maintenant. C'est nous, Media Pro. Voilà. On va continuer avec le pronostic de la semaine. Et devinez ce que j'ai mis. Espagne-Portugal. Non, j'ai mis France-Australie, évidemment. Oh, le score. Quelle originalité. Putain, niveau suspense. Je veux le score et vu que tu fais. Le beau, ouais. Tu fais le beau, tu commences. J'ai envie de pronostiquer le match d'ouverture qui m'intéresse plus. Non. Merci. Le Russie-Arabie Saoudite. Allez, je vais mettre 2-0 pour les Bleus. 2-0 pour les Bleus. Et ben moi, 3. 3-0 pour les Bleus. 3-1. 3-1 pour les Bleus de Lloris. Ouais, c'est possible, ça, par contre. La carte, elle doit pas être. Moi, j'aurais dit 5-1. 5-1. Mec, il y a une inspire. C'est joué. On espère que tu vas gagner. Mais moi, je vais. J'ai peur que ce soit trop ambitieux, le poulet. Être pour les Bleus, 1-0 seulement. Parce que le match d'ouverture des Bleus, c'est la DH, c'est à 0, ça s'emballe pas, quoi. Non, mais là, la semaine dernière, je me suis un peu. Pas possible. Ouais, je me suis un peu forcé contre ma nature. Je voulais mettre Nadal et Alep. Et j'ai mis totalement autre chose. Ouais, tu t'es fait punir quoi. Sauf que nous, on a pas pris punir. Du coup, là, je vais essayer d'être tranquille. Qui a été brillant. Ouais. Du coup, au niveau du pronostic, je reste premier tout de même à 22 points. Dimitri et Guillaume, 16 points. Hey, Romain, 14 points. Team 9. Paul, team non, plus qu'à 9, j'ai mal 10, compté. Qui team il va râler sinon je connais. Paul et Yacine est à 10. Ils sont à 10, pardon. Théo est à 8, Vincent est à 7, Thibaut est à 5, Justine est à 4, Sylvain et Anthony sont à 3. Et Guillaume, c'est sa deuxième émission, mais il avait déjà pris un point la fois dernière. Donc c'est bon. J'arrive. Ça va, mon Galtier. Voilà. Ouais, bon ratio pour le play. Et à savoir que Justine est à 4 avec seulement 2 émissions aussi. Elle a fait le plein. C'est joli. Je vais remercier donc les auditeurs de nous avoir écoutés. Évidemment, essayez de partager au maximum l'émission si ça vous plaît, évidemment. Je remercie mes chroniqueurs ce soir. Ça vous plaît pas aussi. Oui, c'est vous aussi. Dans tous les cas, je remercie mes chroniqueurs bon ce soir d'être venus. Merci à toi. C'était une très bonne émission, je vous remercie. Et puis à la technique ce soir, Arnaud qui nous a. Toujours nous fiable, fidèle au poste. Toujours parfait, on te remercie. On va finir avec le son de la semaine qui est cette fois-ci une musique et qui est la musique officielle de la Coupe du Monde de cette année. C'est. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais c'est Diplo. Diplo, Will Smith ainsi que Nick Jam qui chante Live It Up. Ouais. Live It Up, c'est une musique très Coupe du Monde et ouais, vous pouvez couper dès maintenant. Pas super, l'air, mais si vous voulez l'écouter, vous restez avec nous. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. On parlera de VTT Cross. On pourra avoir l'équipe de France peut-être de VTT Cross, enfin VTT la semaine prochaine. On espère en collaboration avec le Krebs et on verra ça la semaine prochaine. Toujours va nous régaler. Ça sera lundi 19h-21h sur Radio Campus Montpellier. À la semaine prochaine. Bon, salut. Du Coupe du Monde. Bye bien bye. Sûr. Ciao. Bon match d'ouverture surtout. À 21h sur Radio Campus Montpellier.